Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce tour de table du 26 juin de Horreur Gamer Live, full truc sur YouTube, high tech, malade. Et encore une fois, c'est moi parce que Pierre est pas là. Pierre est pas là. Mais qui est-ce qui est là, par exemple? On a GF qui est là. C'est GF. Allô. Hey. On a aussi notre bon vieux Steven. Comment est-ce qu'il va? Comment est-ce qu'il va? Très bien. Très, très excellent. Bien. Et on a la chippie. La chippie alcoolique. La chippie alcoolique. Yeah! Hey, c'est le fun, un tour de table en plus, live comme ça sur YouTube. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Ouais. La dernière fois, on avait eu énormément de plaisir, puis je pense que ça va être encore beaucoup de plaisir ce soir. Puis ceux qui ne savent pas, là, le 26 juin, qui ne s'en rappellent pas, qui nous écoutent en différé, c'est la journée de l'amour aujourd'hui. Parce que le mariage gay aux États-Unis est maintenant légal partout. Alors, yay, share the love! Share the love! Tout le monde, tout le monde, mariez-vous! C'est ça, hein, mon petit bébé. Ça va être quand, là, quand on va pouvoir marier nos chiens et nos chats? C'est ça, c'est ça. Après ça, il va y avoir de l'inceste, là. Hein? C'est quoi, là? Ça, c'est deux adultes consentants aussi, là. Hein? Ça permet la pédophilie. La pédophilie! T'as deux cheveux! T'as deux cheveux de ça! Les enfants! Ouais. Avez-vous pensé aux enfants? Avez-vous pensé aux enfants? On n'est pas loin de se toucher d'un parc, là. Le démon est aux États-Unis, voyez-vous? Ils ont juste à déménager au Canada. Ouais, mais le démon est déjà ici depuis un petit bout. Ouais, je sais. Depuis 2005, c'est ça? Je pense c'est que oui. C'est ça que j'ai vu aujourd'hui. C'est parce qu'il y avait plein de messages sur Twitter de gens qui disaient « Oh, je vais m'en aller au Canada. » Ben oui! C'est ça, c'est vraiment. Ah, je viens au Canada. Ben viens-t'en. Il y a de la place en masse. Tu vas trouver que ton Obamacare, ici, il est pas juste. Oh boy. Mais peu importe, c'est pas de politique tout ça qu'on est venu aujourd'hui. Ah, c'est non. De film. Ah, je suis pas fait de podcast. Bon, ben, bye! Bye! Bye, la chippie! Impacté tout le temps. Incontrôlable. À 10 minutes, j'ai quitté mon char, je suis seulement. Parce qu'au restaurant, elle a droit à l'alcool gratuit, hein, fait que c'est ça qui arrive. Michel Fafard dit que c'est aussi un jour de deuil, mais ça, on fait exprès pour pas en parler parce que ça donne absolument rien d'en parler. Non, c'est supposé être un podcast qui donne le sourire. Et voilà! Oui, puis c'est parce qu'en même temps, vu qu'on est un podcast d'horreur qui, dans les films, il y a des gens qui meurent, je pense que si on se met à parler de gens qui sont réellement morts, ça met mal les choses en perspective, je trouve, personnellement. Parce qu'on va rire plus tard de gens qui sont morts dans Jurassic Park. Parce que là, ça serait comme si notre générique d'intro d'Horror Gamer, ça serait le générique de Who Can Kill a Child. Ça marcherait pas, là. Ouais. Wow! Hey, on se commence-tu un petit tour de table? Yeah. Yes, ouais. Sir. Et que diriez-vous si on commençait avec le sujet? Le sujet, on se garde-tu pour la fin? Le gros morceau? Ouais, ça serait. On se garde pour la fin. Ouais, pour la fin. Le monde nous a entendu sur nos vidéos, là, à part Vicky, qui, elle, n'a pas fait de vidéo, puis en plus, nous a pas écouté. C'est encore lisse de ce qu'on a à dire. Ben, c'est pas l'auditeur justement qui est sur YouTube qui dit ben moi j'aime mieux les audios parce que je les écoute en marchant. C'est la même affaire pour moi. Bon, en tout cas. On fera un montage MP3 de nos trois vidéos après. Voilà. Ouais, mais on verra pas ma danse, mon imitation de Raptor, ça va mal. Ben c'est ça. Ben oui, c'est ça. J'ai écouté la vidéo Steven, après tout ce que j'ai vu, puis j'ai fait mais pourquoi j'écoute ça? C'est épique, là, son intro. La vidéo de Steven, là, faudrait demander, genre, à je sais pas, moi, Rémi Girard de faire une description visuelle du contenu. Il s'avance. Il a les mains devant lui. Il imite un rapport. Oh là là. Est-ce une dinde? Est-ce une poule? Non, c'est Steven. Non, mais plus sérieusement, Jeff, est-ce que tu commences avec un petit quelque chose? Ben, je pourrais parler de Spring. Je pense qu'on va tout embarquer dans la conversation ou presque. Ouais. Spring, c'est... ben, j'ai oublié les noms des réalisateurs, mais c'est les deux mêmes réalisateurs qui ont fait Resolution il y a quelques années. Qui était un de nos coups de cœur. Ouais. Est-ce que ça avait été mon coup de cœur, vous autres? Moi, oui. Moi, oui. Il y avait Pierre, je pense, qu'il n'a pas aimé. Toi, Vicky, l'avais-tu vu, Resolution? Resolution, non. Non? Je pense qu'il y a juste Pierre qui n'a pas aimé. Puis Pierre, il est sado, il l'a écouté trois fois, il voulait l'aimer. Oui. Écoute, on ne peut pas y enlever d'avoir essayé. Non. Spring, c'est... Resolution, c'était deux hommes, deux amis qui... Il y en a un qui enchaînait, je pense, son ami dans une cabane isolée pour le soigner de son... c'est ça, c'était pour le soigner de son... Non, c'est correct, pour le soigner de son addiction à la drogue. Mm-hmm. Puis dans Spring, c'est plutôt une histoire d'amour, en fait. Puis on va essayer de pas trop spoiler, parce que toi, tu voulais pas... Seb, me dire à quoi ça ressemblait. Moi, ça me dérange pas trop de le dire, mais... Mais, OK, ben, écoute, tu peux le dire, mais... Même Danny Champagne de Reweb en a parlé, puis il l'a dit aussi à quoi ça ressemblait. Fait que... Ben, vas-y, dis-le à quoi ça ressemble. Ça ressemble que je sais que c'est ta série de films. Oh. Ben, pas juste à moi, là, mais... Bon, ouais, ça ressemble à Before Sunrise de Richard Linklater. Pensez à un film d'horreur qui serait un peu comme Before Sunrise avec Ethan Hawke puis Julie Delpy, mais avec de... Bon, on va dire de moins bons acteurs, là, tu sais, c'est pas non plus à ce niveau-là. Ouais. Mais ils sont très bons pareil. Mm-hmm. C'est un film vraiment que moi j'ai capoté, là, j'ai adoré Spring. Je l'ai écouté deux fois en l'espace de deux jours, je pense. Je voulais tout de suite retrouver cet univers-là, cette ambiance-là. Je me doutais bien que c'était dans tes cordes. Ouais, ben c'est ça. C'est plus romantique qu'horrifique, en fait. Oui. Vous allez chercher un peu l'horreur, il n'y en a pas tant que ça. C'est assez subtil ou assez éparpillé. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui perd sa mère au début du film. Son père est déjà mort il y a peu de temps. Fait que là, il se cherche un peu, il est un peu perdu. Puis il décide d'aller voyager tout seul en Italie. Puis rendu là-bas, je fais des gros raccourcis, là, mais rendu là-bas, il tombe par hasard sur une femme dont il tombe amoureux rapidement parce que c'est comme la femme la parfaite là, pour lui. Puis ils ont vraiment une relation instantanée, là, que ça fonctionne à fond leur affaire. Ils ont des discussions sur tout et sur rien. Puis c'est ça, ça fait penser à Before Sunrise pour ça parce qu'ils jasent de n'importe quoi, puis ça a l'air juste naturel, puis c'est vraiment la fille parfaite. Mais elle cache un secret, puis ça, j'en dirai pas plus là-dessus, mais elle cache un secret assez terrible et qui est le fun à découvrir au fur et à mesure. Là, c'est quoi les différentes couches de son secret, là? Oui, puis ouais, c'est ça, parce que on pense pas que ça va être aussi complexe que ça, son secret. Non, c'est ça. Faut pas se fier aux apparences. Puis c'est ce qu'on avait appris dans Resolution. Faut pas se fier aux apparences avec ces deux réalisateurs-là. Ils vont pas dans la facilité. Ben, c'est parce qu'il te lance plein de pistes différentes, puis c'est fait par exprès, c'est pour te mêler un peu. Puis, mm-hmm. Puis ce genre de mystère-là dans le film, j'ai trouvé qu'il était bien utilisé. Tu sais, c'était pas juste un punch, c'était pas juste de l'horreur, c'était pas on va mettre quelque chose d'épeurant parce qu'on est des gars qui font des trucs épeurants. Cet élément-là vient bouleverser le film, puis vient l'influencer jusqu'à la toute fin. Ça va au-delà du film d'horreur. J'ai l'impression que comment j'allais dire ça? C'est ben tu sais, ça adonne que c'est un film d'horreur, mais ça aurait parce que c'est ça leur histoire, mais c'est pas le but, c'est pas de faire un film d'horreur, je pense. Non, du tout. C'est pas de raconter c'est pas de faire un film qui va faire peur. C'est juste parce que ça adonne que c'est une histoire qui se passe un peu dans cet univers-là. C'est des éléments d'horreur dans un contexte différent. Parce qu'on aurait pu garder un peu la même mythologie derrière ce que la fille a, sans que ce soit des trucs horrifiques. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. De l'aborder différemment, ça tu veux dire? Oui, ça aurait pu être des trucs bizarres sans être des trucs horrifiques, mm-hmm. dangereux. Oui. En tout cas. Mais tout en gardant la même ligne en arrière, là. C'est difficile d'en parler en étant subtil, mais il faut être subtil avec ce film-là parce que c'est un film qu'il faut pas trop en savoir. Là vous en savez juste assez. C'est parfait. C'est parfait. Ouais. Moi, j'ai une question. Dans le cast, là, il y a juste le gars et la fille. C'est parce que c'est un huis clos et ça se passe vraiment juste avec ces deux-là? Ben, c'est pas fermé dans le sens d'un huis clos qui serait juste dans une pièce. Non, parce que c'est super beau, les décors. Ça se passe en extérieur tout le temps, presque tout le temps. Ça se passe en Italie, sur les côtes d'Italie, puis c'est super beau. J'ai vraiment juste envie de voyager en regardant ce film-là. Ça te fait voyager au bout, puis Non, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps avec eux autres, mais il y a quand même quelques petits autres personnages. Il y a en particulier un gars qui emploie le jeune, un vieux monsieur qui va l'employer sur sur sa ferme où il y a des oliviers et toutes sortes d'affaires. Puis, je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Il est quand même. Okay. Il est relax, là, il est mystérieux un peu, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce gars-là. Je sais pas, il y a quelque chose de particulier puis qui m'a attiré. J'ai même osé croire certaines choses par rapport à lui qui sont pas dites, mais que je me suis amusé à penser. Ça, on en reparlera en dehors des ondes. Ouais. J'ai beaucoup aimé les deux acteurs. Le gars, je me suis beaucoup identifié à lui. Ben, pas identifié, mais je me suis beaucoup attaché à lui. Tout de suite, dès le départ, je trouvais qu'il est naturel, puis il est sympathique. Puis la fille, mais moi, en tant que gars, je suis tombé en amour aussi avec elle. Tu sais, je veux dire... Elle est cute, déjà. Elle est cute, puis tout. Puis elle a tout ce qu'il faut, là. Puis c'est ça, tu sais, tu fais juste... C'est ça. Tu tombes en amour avec elle comme le gars. Parce que moi, dans mon cas, ça a marché. C'est pour ça que j'ai embarqué à fond. C'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour vraiment unique. Je crois pas avoir vu ça ailleurs, la manière que c'est abordé, puis surtout le changement de cap plus tard dans le film, comme t'en parlais, Seb, avec les origines de la fille. Je trouve que ça apporte vraiment un petit vent de fraîcheur qui fait du bien dans le style, puis j'ai vraiment trouvé ça agréable. Oui. Hey, on a Pierre sur le chat qui nous écoute. Oh. Puis il parle du film, mais son commentaire livre un peu de punch, donc on le citera pas. Ceux qui sont sur le chat, fermez vos yeux! Il a-tu aimé ou il a pas aimé? Je pense qu'il a plus ou moins apprécié, mais regarde, ça reste une comédie romantique. Ben, pas une comédie romantique, mais un film romantique, donc on est loin d'être dans les cordes de Pierre. La romance, puis Pierre, c'est deux. Oui. C'est pas un film romantique dans le style Warm Bodies. C'est plus profond que ça, plus beau que ça, c'est plus sérieux que ça, c'est vraiment beau. Sérieusement, là, moi, je trouve que c'est un film adulte. Ben là, en mentionnant les films de Richard Linklater, déjà en partant, tu m'intrigues plus que Warm Bodies. C'est pas la même ambiance. Là, non, vraiment pas. On n'est pas dans le même romantisme, on est dans un romantisme de qualité. Oui. C'est bizarre à dire, mais... Ah, puis c'est le capitaine de la gang qui nous le dit, hein, Seb, avec sa liste de films romantiques en février dernier, je t'ai encore marqué. OK, Pierre, on sait là que définitivement il a détesté, c'est ce qu'il écrit. Ouais. C'est pas compliqué. C'est s'il y a des émotions, enlève ça, Pierre, c'est pas fait pour lui. Même ça marche. Pierre dit je connais rien à l'amour. Ben, le pire, c'est que Pierre, il a la petite fille la plus cute au monde. Ben oui, voyons donc. C'est... Super belle famille. C'est un hypocrite, dans le fond. C'est un bullshiteux. C'est pas compliqué, si elle avait une histoire d'amour avec un parent et son enfant, là, Pierre aurait plus accroché ça. Tu vois, là, c'est ça. Il a dû avoir les larmes aux yeux tout le long du film. Eh oui. By the way, ceux qui nous écoutent, si vous voulez pas commenter sur YouTube, c'est sur Twitter que ça se passe avec hashtag HGLive. Ouais, c'est supposé être ma job de surveiller ça aussi. Ouais, surveille ça, mais il n'y a rien pour l'instant. Est-ce que c'était pas mal tout pour Spring? Est-ce qu'on a fait le tour, tout le monde? Est-ce qu'il y avait d'autres? Je voulais peut-être juste rajouter la réalisation, parce que les réalisateurs ils ont utilisé un drone pour faire des plans de plusieurs images qui sont incroyables. Je savais pas que c'était un drone. Je savais pas que... Ouais, puis ça a été un coup d'hasard. C'est un de leurs amis qui a amené ça, puis il dit hey, tu pourrais essayer de prendre des images avec ça. Puis ça a l'air qu'ils ont pris des heures et des heures d'images, puis ils ont essayé de comprendre ce qu'ils aimaient. Je me demandais, il y a des plans qui sont assez originaux, puis je me demandais comment ça avait été fait. Mais ouais, OK. Ça fait du sens. Ouais. Mais c'est ça, c'est beau, puis c'est vrai que ça donne envie de voyager. J'écoutais ça, puis c'est comme, wow, j'ai envie d'aller là. Puis j'ai envie d'y aller. Là. Ça a l'air d'un paradis, là, c'est un paradis. Puis en plus, tu tombes sur une fille comme ça, ben là, tu te dis, wow, c'est vraiment un paradis. Fucking belle, hein? C'est incroyable. Mm-hmm. Nadia Hilker, c'est belle. Oh, ça y est, Vicky, elle a un crush. Ah, oh, ouais, vraiment. Je savais que t'étais butch. Belle, finalement. Fucking butch. Là, Vicky la Shippy Butch. Alcoolique Shippy Butch. À la fin de la soirée, il va en avoir 12 de nom. Ça va être rendu long. Est-ce qu'on avait autre chose à dire sur Spring? Je pense pas. Alors... De toute façon, on peut pas dire grand chose, sinon c'est spoilé, fait que c'est plate. Là. Hey, by the way, si jamais il y a des spoilers. JF va mettre le son suivant. JF. Pour ceux qui étaient live, ils ont absolument rien entendu. C'est un truc de montage. Jeff, ok. Et c'est ça. Donc, on essaie de pas spoiler, mais s'il y en a, JF sera le censureur. C'est le Manitou du montage. Mais puis. T'entends le son? Non, mais je l'attendais, j'étais là, il va mettre le son suivant. Là, j'étais là. Ouais, moi aussi, j'étais là, j'entends rien. J'entends rien, je peux continuer à spoiler. Il y en a pas. Méfiez-vous surtout de Steven. Hey, si tu prends ça comme une attaque personnelle, je vais spoiler tout maintenant, right now. Sprint à la fin, là, c'est une. Non. Ah, oh, c'est vrai. Bon, ça y est, on va prendre de la musique. Ouais. Bon, okay, ça y est. Tu fais le tour? Oui. OK. Hey, Steven. Ah ouais, donc, je vais y aller avec un gros retard parce que vous en avez parlé il y a super longtemps. Mais j'ai finalement écouté The Sacrament de Ty West. Ah. Avant qu'il soit plus sur Netflix. Ouais. Spoil pas, je l'ai pas encore vu. Non, je vais pas spoiler. Mais ça confirme juste le fait que j'aime vraiment ce réalisateur-là. Je connecte avec lui puis j'aime tous ses films. Contrairement à Vicky, mais ça, on s'en calisse. Je l'ai aimé, celle-là. Oui, c'est correct. Je t'agace. Mais, film qui traite de secte en tant que tel, puis je pense que tout le monde connaît à peu près le sujet. Tu dis secte ou sexe? Sexe, non de secte. moi, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que dans le lot de fan footage qu'on a eu, je trouve que The Sacrament, c'est un des rares qu'on peut dire que ça a un aspect tellement réaliste qu'on pourrait y croire. Tout ce qui se déroule dans le film, par moments, je trouvais jamais que c'était trop tiré par les cheveux. J'aimais beaucoup les acteurs. Et G. Bowen, je pense sérieusement que là, c'est la première fois que je le vois au point que je me dise qu'il est vraiment bon. Il est super naturel là-dedans. J'ai adoré tous les personnages du film. J'adore le personnage du père. C'est quelqu'un de mystérieux. Puis c'est drôle de voir que dans le film, la manière qu'il réussit à m'adouer avec ses paroles puis à entraîner tout le monde dans son discours, mais il réussit à le faire avec nous, le spectateur. La première fois qu'on le rencontre puis que l'interview avec lui, tu l'écoutes parler puis j'étais déjà accroché après lui. Puis c'est comme, c'est bizarre. Il y a une espèce de chimie avec ce gars-là qui fonctionne même en dehors du film. Puis en même temps, la première demi-heure où on visite tout cet endroit-là, où que c'est toute une espèce d'endroit hors de la société qui est supposé être là, anti-violence, anti-technologique, ça a vraiment l'air d'un paradis, puis c'est construit pour être ça en tant que tel. Puis t'as quasiment envie d'être là, puis comme les personnages principaux qui vont faire les interviews, tu commences à comprendre, puis à dire « Ouais, je comprends pourquoi ces gens-là sont heureux, là, puis ça a une logique. » Et c'est plate que finalement ça tourne mal, puis que souvent ces genres de trucs-là, ça tourne mal parce que ça cache tout le temps quelque chose de mal. Puis je dirais que l'aspect que quand le film commence à décoller et qu'on sort de notre zone de confort, le réalisateur a tellement pris le temps de bien nous incruster dans l'ambiance, de nous faire connaître les personnages, le temps de faire des interviews avec quelques personnes qui ont été là pour X raisons. On est dedans, on est vraiment embarqué, on est impliqué. Et dès que le drame puis les choses arrivent, moi, ça m'a frappé à coup de poing sur le visage, ça m'a super marqué. J'ai vraiment adoré au bout. Je trouve même que c'est le film le plus mature de Ty West. Je l'ai vraiment trouvé super, super intéressant. Et je veux pas trop en dire d'autres, puisqu'à part de ça, il y aurait trop de spoilers, mais c'est un excellent film que je crois que les amateurs de Ty West vont adorer. Évidemment, c'est un film lent, mais comme on dit, ça mise sur un aspect réaliste, fait que ça me gêne pas. Moi, ça fait juste rajouter à cet aspect-là. Mais j'ai pas été déçu. C'est un des meilleurs fan footage que j'ai vu dernièrement, même si c'est un film de l'année passée, mais il aurait probablement fait partie de mon top. Ty West, je l'adore. C'est vraiment un réalisateur surprenant. Il y a un bon build-up avant de voir le père, le father. Exactement, il prend le temps de faire. Quand c'est le moment qui arrive, t'es comme, oh mon Dieu, enfin, on va le voir, de quoi qu'il a l'air, c'est quoi, puis il répond à nos attentes quand on le voit arriver. Exactement. Ça, c'est très charismatique. Puis, quand on voit les vrais faits par rapport à cette histoire-là, parce que, bon, c'est basé sur une histoire vraie, il y a des trucs qui se trouvent sur Internet. Puis, il y a une interview avec The Father qui est sur Internet, le vrai. Il y a toute la séquence où ce qui se passe, le drame, on a des vrais enregistrements du vrai truc. Et c'est épouvantable que le film cherche là-dessus, c'est facile à trouver. Il y a des documentaires qui ont été faits là-dessus. C'est complètement fou dans la tête. T'as même pas besoin d'en rajouter tellement que les faits sont déjà affreux, là. Je veux dire, c'est vraiment digne d'un film d'horreur. Fait que t'as même pas besoin de rajouter plus de choses pour rendre ton film plus effrayant, là. C'est déjà en masse, là. Mais je pense que ce film-là marche autant, son found footage marche autant, parce que je trouve que, et c'est ce que j'avais vu quand je l'avais écouté de Sacrament, c'est que le moyen, c'est le bon moyen. C'est que souvent, un found footage, on va prendre ce found footage-là parce qu'on va le rajouter. C'est comme si c'est un élément de peur, mais la majorité des found footage, on dit, ben, ça aurait pu être tourné normalement, puis ça aurait fait le même impact. Mais celui-là, c'est que c'est un found footage parce que c'est le moyen nécessaire pour s'y rendre. Dans le sens où c'est que c'est pas un moyen pour créer la peur, le found footage de Sacrament, c'est que c'est juste, c'était la meilleure façon pour raconter cette histoire-là. Parce que moi, souvent, les found footage, c'est comme, bon, on a trouvé telle cassette, puis là, en plein milieu du film, ben, ça dérape, tu perds le contrôle. C'est long, j'imagine. Ferme ton micro, Seb. Ouais, ferme ton micro. Pourtant, il est à mute, c'est bien bizarre. Ben oui. Tu m'as enterré, mais j'ai fait jamais. Tu m'entends encore? Oui. Je suis mute. Bon, Seb, il est trop sous, il clique sur le mauvais piton. Mais la lumière est ronde! excuse, Vicky, j'étais sûr. Non, c'est pas grave. Ouais. Mais je vais juste terminer ma pensée avec l'idée que souvent, mettons, comme moi et Steven, on avait aimé le film Deborah Logan, où il y en a d'autres, il y a Wreck. Je les aime, ces films-là, mais c'est juste qu'on dirait que le found footage, c'est comme, en plein milieu du film, ça dérape, puis on justifie. Ah non, mais il faut continuer à filmer parce que les gens doivent savoir. On dirait qu'à maintenant, on perd un peu le contrôle de la caméra puis on continue dans le fond de footage juste parce que c'est un moyen. Tandis de il n'y en a pas beaucoup qui réussissent, ça. C'est ça. Puis je trouve que ce film-là, c'est réussi parce que j'ai pas l'impression que c'est des cassettes qui ont été trouvées. Je suis même plus sûre de la fin. Mais c'est, j'ai pas l'impression que c'est des cassettes qui ont été trouvées, mais c'est vraiment le film qu'on a remis à la production. C'est dans le sens ben... où le Canal D le vendredi soir, les séries policières, bon, on dirait quasiment un film de ça, ben, à qualité, là. Mais je veux dire, comme si on l'a laissé le film là de A à Z, puis vous devez être au courant, fait que le voici. Mais on le surjustifie pas. Sauf ben, que au début, pareil, les caméramans parlent de moi, j'ai déjà fait un tournage en telle affaire, c'était heavy. J'ai déjà fait une affaire à telle place, c'était heavy. Fait que, tu sais, avec ça, c'est assez pour dire, bon, OK, regarde, il va continuer à filmer. Il fait ça, c'est sa job d'aller mais filmer dans des endroits extrêmes, tu sais. Qui prend le temps de prendre la caméra puis de dire je vais continuer à filmer à partir du drame. Fait que... Ça, c'est un passage obligé du fan footage, on dirait. Parce que tout le monde dans l'ensemble, c'est comme hey, lâche la crise de caméra puis tac ton camp. Tu sais, dans Wreck, là, Mané, elle prend vraiment la caméra à deux mains, en grosse larme, elle dit les gens doivent savoir, ne cessent jamais de filmer. Puis ça, c'est comme un règlement du fan footage, ça va toujours être là dans les films, mais je trouve que celui-là, c'est que ça va au-delà de les gens doivent savoir. C'est plus, ben, on venait faire un film, pourquoi on couperait? Mm-hmm. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment aimé que le moyen n'est pas, le moyen de le contenant du film n'est pas affecté par le contenu, mais bien parce que le contenant est la raison du film. Ouais. Je sais pas si je suis claire, là. Ouais. Attends, après ma deuxième bière, ça va être clair. J'ai pas vu le film, c'est clair, là. Ah bon, bon, génial. Je prends quelques commentaires sur ce film. On a DXman187, yo man, qui dit Ty West, c'est pas bon. Ah, ben là, ça c'est mais ça. On a Mathieu Boivin qui dit Ty West for the win. Non. Puis DXman qui dit j'adore sa mort dans Your Next. Et donc, je pense que c'est ça. Et il y a Aldo Rimadza qui vient de se joindre à nous. Et je crois que ça, c'est Pascal Jacob. Salut, Pascal. Puis qui demande qui a vu Exist à part moi et toi, Seb, dans Gang. Je sais pas, mais c'est de ça que je vais parler tantôt. Oh, t'avais vu World's Creek, hein, Seb? Non, c'est mon prochain, là. Je pensais pouvoir l'avoir vu pour ce soir, mais non. Justement, je n'avais pas écouté. J'ai été obligé d'écouter, de couper mon écoute d'Exist en deux. OK. C'est pas mal tout ce qu'on avait à dire sur The Sacrament. Ouais. Alors, Vicky! Ben, je vais rebondir un peu sur le sujet à Steven, parce que moi aussi, j'ai vu une espèce de found footage un peu BS, un peu fond back, très série B, là, que j'ai été dans une vente de garage, puis pour 30$, j'ai eu 25 films. Fait que, hein, tu regardes pas la télé. Tu regardes pas la télé. Je le sais, j'ai acheté des films. Fait que je les ai écoutés fallait que ça valait la peine. Puis, il y en a un qui s'appelle genre 388 Arlette Street, quelque chose comme ça. Oui! Oui, ça dit quelque chose, un fan de Oui, ah, oui, j'ai déjà vu. OK. Oui. Puis, moi, j'avais envie, vu que Steven vient d'en parler, puis je pense que Seb aussi t'a réagi sur Facebook cette semaine. Il y a quelqu'un qui avait dit « Ah, oh, moi, je suis plus capable, je déteste les gens de Blair Witch Project parce que le fan footage, à cause de Blair Witch Project, on est rendu avec plein de fan footage, puis moi, j'aime pas ça, puis c'est tellement un genre de merde. » Puis moi, j'ai vu 388, puis qui était vraiment un film de série B, là. C'est pas un chef-d'œuvre, mais pas du tout. Puis je trouvais quand même que la montée dramatique était poignante. Le film, c'est vraiment, on suit un voyeur qui installe les caméras dans une maison. On ne sait pas pourquoi cette maison-là, il a juste décidé qu'il installait les caméras. Et après ça, on suit les gens évoluer dans la caméra, donc dans le regard du voyeur. Et il kidnappe la fille du couple. Et là, il se met à jouer avec la tête du gars. C'est vraiment de « est-ce qu'il est encore en vie? » passe, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que c'est elle, est-ce qu'elle s'est enfuie ou il l'a kidnappée, ou tu sais, il joue vraiment, il s'arrange pour que le gars ait l'air fou auprès de la police, auprès de ses amis, que ce soit lui qui l'a kidnappé, bref, il crée une espèce d'ambiance angoissante autour de lui, puis je trouvais qu'il y avait vraiment une énorme montée horrifique dans le film, tu sais, oui, j'étais pas sur le bout de ma chaise, puis j'ai pas eu peur dans le film, mais ça m'a posé la question de, est-ce que vraiment, faut retirer, ben, pas retirer, mais se couper d'un film parce que c'est un found footage, non. C'est sûr que ce film-là, il aurait pu être tourné pas en found footage, ça aurait été tout aussi intéressant. Comme si il y a des films que vraiment, c'est juste un moyen pour faire peur. Mais quand même, ça reste que des fois, tu peux vraiment trouver des petits bijoux. Puis ce film-là, pour vrai, quand tu te mets dans la peau du personnage masculin qui cherche sa femme, que tout le monde pense qu'il l'a attaqué, là, il se met à penser à qui qu'il voudrait du mal. Puis il retrouve un ancien gars du secondaire qui a torturé, puis il a fait bullying, là. C'était sur lui qui torturait quand il était jeune, que tu sais, il a mis la tête dans les toilettes puis qu'il l'a enfermé dans un casier. Fait qu'il pense que lui s'est vengé sur sa femme. Fait que tu sais, t'as toute cette ambiance-là, vraiment creepy. Pas le film le plus effrayant, pour vrai, mais ça reste un film de fin de soirée. Mais moi, ce que j'aime dans ces films-là, c'est toujours l'idée de la personne joue avec le personnage principal du sens, dans le sens que je vais m'arranger pour que tout le monde pense que t'es fou. Mm-hmm. Puis là, tu te dis tout le temps, OK, bon, là, c'est peut-être tiré par les cheveux dans le sens qu'à un moment donné, il y a peut-être qu'il y a quelqu'un qui finirait par le croire, mais tu essaies de te mettre. C'est le genre de film dans lequel tu essaies de te mettre dans la peau du personnage principal. Puis qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tu ferais si ça t'arrivait? C'est ça, et qu'est-ce que tu peux faire de différent? Ouais, qu'est-ce que tu ferais que lui a pas fait, là, tu sais? C'est ça. Puis non, c'était quand même bien. C'est ça, c'était pas tout à fait parfait, mais c'était un Christi de bon divertissement. Surtout, c'est ça, comme je disais sur le chat, on le voit tout le temps dans les bacs à pas cher, les temps 2-3 piastres dans les bacs usagés. Là. Ouais. C'est pas 2-3 piastres, là, c'est une très belle. C'est un mini spoiler, mais pour que vous compreniez un petit peu, il y a quelque chose qui arrive à son chat. Il trouve son chat décapité. Il appelle la police, puis il met la tête dans le congélateur. Puis là, la police, elle dit, t'as mis la tête de ton chat dans le congélateur. Elle dit, excuse-moi, je connaissais pas le protocole quand tu trouves ton chat décapité sur le comptoir. Mais tu sais, c'est vrai, c'est comme, mais c'est quoi qu'il aurait fallu qu'il fasse d'autre? Fait que c'est pour ça que c'est quand même intéressant. Puis tu sais, tu vois même pas le chat décapité. Je vous dirais à quel point il n'y a pas de gore, c'est pas effrayant, c'est pas dégueulasse. Tu ne vois pas le chat. C'est quand même angoissant de se dire, ben oui, qu'est-ce que je ferais si j'arrive? Puis... Tu disais que c'est un fan footage, c'est que dans le fond, ce qu'on voit, c'est toutes les caméras cachées qui ont été mises par le genre de cinglé qui joue avec le gars. Donc, c'est ça, on voit comme le film à travers ça, tu sais. Puis à la fin, ça se justifie. En plus, le montage qu'on vient de voir. C'est vrai. Sans spoiler. Et puis, le titre exact, 388 Arlettan Avenue. 388 Arlettan. Je le trouve même pas sur... OK, je l'ai. Ouais. Et c'est ça, c'est un film de 2011. Je pense que c'est un film canadien. Je pense. J'en ai pris quelques-uns, puis je sais pas si c'est celui-là qui était canadien. Mais ça, c'est produit par quelqu'un de connu, si je me trompe. Non, c'est un film qui a été tourné à Toronto, au Canada. Un film en anglais, puis je vais te dire le réal, Randall Cole. Et Randall Cole a écrit un segment de Darknet. Mais ça, tu sais, la semaine passée, ou la dernière fois qu'on s'est vu, c'est ça, vous disiez à quel point Darknet, ça fait secondaire. Mais ce film-là aussi, par moment, peut faire comme. Ouais. c'est un peu facile. Là. Mais quand même, ça reste que faut pas se priver d'un film parce que c'est un genre qu'on aime pas. Ouais, mais c'est mieux, écrit pareil. Dans le même genre, là, j'ai préféré Alone with Her, seul avec ça, elle, avec le fils de Tom Hanks, comment il s'appelle? Colin? Colin, ouais. Colin Hanks? Colin Hanks, ouais. Ouais, non, ouais. C'était bon dans film. Le même genre et j'ai un petit peu plus apprécié celui-là, mais c'est très bon aussi. OK. Mais en tout cas, ceux qui ont vu Alone with Her savent à peu près ce que c'est comme genre. Autrement dit, vous savez jamais si quelqu'un est en train de vous regarder en ce moment. Exact. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment. C'est sur Google. Tout le monde regarde. Vicky, c'est juste ça qu'elle veut qu'on le regarde. Fait que c'est pas grave. Prenez des photos. Prenez des photos. Date de taille. Y'a-tu du monde là-dedans? Bon. Hey, je pense que je vais y aller avant qu'on vire cinglé. Ben, je vais continuer en fond de footage, tant qu'à y être. C'est bon. Et je vais y aller avec Exists. Je vais savoir si c'est bon. Film tout récent. Et pour répondre à la question à Pascal, je ne l'ai pas vu. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a vu? Je pense que non. Hein? Donc, Exists, film de 2014, réalisé par Eduardo Sanchez. Ceux qui se disent, mais on me semble, ça me dit quoi, ça, Eduardo Sanchez? C'est quand même un des pères du found footage. Un des pères, en tout cas. Ouais. Vous savez ce que je veux dire, là. C'est un des co-réalisateurs de Blair Witch Project. Et qu'est-ce qu'il a fait, entre autres? Lovely Molly. Lovely Molly, qui était quand même bien, qui avait des bons éléments. Et il a fait un des segments de VHS 2. Et en cherchant, je me suis rendu compte qu'il avait réalisé des deux épisodes de la série From Dusk Till Dawn. Mais il y a le film Altered aussi qui a fait. Altered? Ouais, puis ça, j'avais bien aimé. C'est ça. Ah ouais? C'est un film avec un alien, me semble, si je me souviens bien, si je me trompe pas de film. Oui, c'est ça. Ah, je l'ai acheté. Il a fait aussi Believer, si je me trompe pas, qui est un film qui traite de secte, encore une fois. Bon, ça a été un petit peu moins connu, mais c'est un film pas si pire. Bon, on est venu pour en parler. Ben, Believer, ouais, je le vois pas dans sa filmo. Regarde en producteur ou en scénariste. Ouais. Ben, il est pas dans scénariste. Et est-il dans producteur? Il ne l'est pas. Alors, à moins que ce soit son collègue qui avait réalisé son collègue. Blair Witch. Son brother in arm. So yo, bro! ça pour dire, existe un autre fan footage réalisé par Eduardo Sanchez qui va jouer dans certaines tales connues, dont un groupe d'amis qui décide d'aller dans une cabane dans les bois. On n'a jamais vu ça. Non. Et là, est-ce que ce sera un fantôme? Est-ce que ce sera un démon? Est-ce que ce sera un monstre? Non, ce sera le Bigfoot qui va les attaquer. C'est vraiment cool. Un film de Bigfoot, moi, je sais pas, moi, à part Harry et Anderson, fouillez-moi, j'en ai pas vu d'autres. Il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est ça. Fait que moi, Bigfoot, ça n'a jamais été un élément effrayant. Et là-dedans, ça en est un. Le film a ses défauts et a ses qualités. Ses qualités sont plus grandes que ses défauts. Parce que ses défauts sont des défauts du found footage. Dans le sens que ça, c'est un found footage qu'on n'est pas capable de justifier. Tu parlais tantôt, Vicky, du found footage qu'on dit pourquoi est-ce qu'il continue à filmer. Ben, il existe, là. Après la moitié du film, t'es déjà en train de te dire, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'il filme encore, lui-là? C'est un peu tannant. C'est dérangeant, là. Tu sais, quand ton chalet est en train de se faire débâtir par un Bigfoot, là, c'est pas vrai que tu continues à bien cadrer ce qui se passe, tu sais. Mais à un moment donné, faut l'accepter parce que sinon, ça devient vraiment tannant. Et on a des personnages qui sont pas du tout charismatiques. À la fin du film, je savais plus ou moins les noms des personnages. À part savoir que lui, c'est le frère de un, puis elle, c'est la blonde de l'autre, il n'y avait rien d'autre. Là. Fait que c'est vraiment pas intéressant. Sauf que, putain que le Bigfoot est hot. Le Bigfoot, là, il est tellement hot. Tu sais, là, C'est pas Harry, là. On est loin de ça, là. Mais il fait peur, Harry. Bête, là. C'est vraiment une bête qui veut détruire tout sur son passage. Puis il court vite, là. J'en parlais avec Pascal Jacob, là. Il y a une scène où que le Bigfoot court après quelqu'un et... Bon, il y a du monde qui dessine sur moi, je pense que c'est Vicky. Mais c'est pas voulu! OK. Il y a une scène où un gars se fait poursuivre par le Bigfoot et sérieusement, tu regardes le Bigfoot aller et tu fais « Man, oublie ça. Fais juste te rouler en boule d'un coin. » pleure. C'est funny. Les scènes, c'est ça, les scènes d'action, les scènes de Bigfoot qui rentre dans le tas sont toutes le fun. Sont vraiment toutes tripantes. Au début, le Bigfoot, on le voit aussi bien qu'on le voit dans les images qu'on a vues, là, tu sais, dans la vie, là, on a vu des images de Bigfoot, là, filmées, là, tout croche, là, à travers des arbres, là. Et au début, tu le vois comme ça. Fait que, c'est comme un clin d'œil. Mais à un moment donné, il décide, OK, je vais vous le montrer, le Bigfoot, là. Puis, c'est vraiment hot. Il est vraiment super beau, là, ce Bigfoot-là. Vraiment, c'est trippant. Mais, c'est ça. C'est que, quand quelqu'un meurt, t'en as rien à foutre. Le front footage, c'est pas justifiable, mais c'est pas grave. Parce qu'à la fin, tu fais comme, oh yes, c'était cool. Puis, il y a une finale semi-punchée, mais qu'on voit quand même venir à l'avance. Mais c'est bon. Je pense pas qu'Eduardo Sanchez a prouvé qu'il était capable encore de renouveler le fan footage. Ce film-là aurait pu être autre chose qu'un fan footage. Ça aurait fonctionné. C'est ça qui est étonnant. Je pense même que ça aurait été meilleur sans être un fan footage. Mais on a quelque chose de crissement divertissant. Cool. Ouais. J'ai hâte d'avoir tes impressions sur Willow Creek. Ouais, puis là, ben, qu'est-ce qu'on a sur le chat? Mon Dieu, j'ai été tout seul. Non, moi, c'est ça, j'ai été tout seul à le voir. Fait que, voyons, il parle pas. Il y a un commentaire, je pense. Oui, on a David Michaud qui dit l'extraterrestre loin dans Altered est d'ailleurs très bien fait. Ouais, ça m'avait surpris, moi. Michel Fafard qui dit Blair Witch Project, tellement 1999. Pascal Jacob qui dit j'ai préféré Willow Creek, mais tout de même existe, tu m'as fait passer un bon moment. Ouais. Steven, c'est toi, ça. Willow Creek est difficile à battre. David Michaud, il n'y en a pas beaucoup des bons films de Bigfoot, il y a encore moins des bons. Il n'y en a pas beaucoup des bons films de Bigfoot et encore moins des bons. Ben, écoute, ça doit être ça. C'est pas fort qu'il dit, il y a un fond de footage qui sort à chaque année, non? Je te dirais, Michel, qu'il y en a une vingtaine qui sort chaque année. Fait que, il y en a au moins un. Puis Pascal qui dit, reviens deux secondes sur Michel Fafard, puis je veux vraiment pas rire de ce qu'il a écrit, mais c'est non. Il a écrit fan footage, ça m'a juste fait rire, ça m'a fait penser à Paranormal Activity quand tu mets la caméra sur le fan, c'est ça un fan footage. Ça c'est un fan footage. Ah, c'est bon. J'ai un fan footage sur moi. Ben écoute, traîne-toi une caméra. Ben oui, prends ton téléphone. La journée que tu vas te mettre tout nu. Bon, tout le monde dit des commentaires et Steven. Comment c'est facile de m'avoir tout nu, là. Ah, j'ai fait faire un sacré une police juste la semaine passée. C'est pas une blague. Là. Ben, j'ai pas de rideau chez nous. Fait qu'entre ma douche puis ma chambre, mais ben, y a pas de rideau. Puis là, la semaine passée, je suis partie à la course de mon bain à ma chambre parce que j'avais mon iPad. Puis quand je suis sortie, il y avait une police. Puis j'ai fait allô, puis j'étais complètement tout nu. Il y avait une police chez vous. Ben, ça a l'air qu'il y avait un rôdeur dans le cours chez nous. Puis moi, mon chien, il est trop fin. Fait que ça a l'air que mon chien est allé se faire flatter par le rôdeur. Il y a un rôdeur parce que t'es tout nu. Ben, je le sais pas. C'est pas un rôdeur, c'est un voyeur. Mais c'est vraiment pas une blague. Fait que là, la police, elle cognait chez nous en disant, ben, tu le connais-tu? Parce que ça a l'air qu'il joue avec ton chien. J'ai comme, ben non, mon chien est juste trop con. Fait que quand tu veux la flatter, ben, il va, peu importe quoi tu viens faire dans la cour chez nous. Mais lui, il m'a vu flambander, puis j'étais comme, hello, tu viens faire quoi chez nous? Puis j'ai fait fuir un facteur de la même manière. Fuir, mon Dieu. Ben, je sais pas si c'est un hasard, mais il est rentré, puis j'avais oublié que j'avais pas mis mon top de costume de bain. Fait que là, hey, c'est vraiment des anecdotes pourries. Mais en tout cas, j'ai oublié que j'avais pas mon costume. Fait que là, il a cogné, puis là, j'étais allé ouvrir la porte, puis là, il s'est caché les yeux, puis là, j'ai fait « Oh, fuck! Attends un peu! » Puis il est jamais revenu. C'est un facteur de Porte-Canada. Ben, bientôt. OK. On dirait une scène d'un film de Judd Apatow. Je le sais, c'est même pas crédible. Le monde doit se dire, ben voyons, elle raconte n'importe quoi pour se rendre intéressante, mais non, c'est vraiment vrai, c'est le seul prix. J'étais à jeun. Ben, écoute, ça serait un drôle de fan footage, en tout cas, tout ça. Ouais. Michel qui dit, Vicky, si t'es pour faire un fan footage, utilise une caméra qui lag pas. Bonne idée. Oui, la caméra elle lag chez Vicky. Ouais, ça doit. Je pense pas que c'est portable. La caméra qui lag, c'est plus la connexion. Ouais, mais je serai un portable aussi, non? Non. Pas de bonne excuse. Il y a DXman qui dit, moi je veux voir Pyramide en fan footage de Grégory Levasseur, mais je me suis fait dire que c'était poche. Ok, mais c'est pas le quiz avec Charles Lafortune, c'est vraiment. J'avais l'impression que c'était une version poche de As Above So Below. Ben, je n'avais pas parlé dans le bras de faire des films, mais pour le fun, je vais reparler là, vu qu'on est dans le fan footage. Vas-y. Okay. Ben, je disais pas ça là, on va continuer l'ordre là, dans le fond. Ouais. Ben, écoutez, on aurait fait un tour, puis je me dirais, est-ce que vous avez besoin d'un petit break? Oui. Ouais? Ben, on va y aller en musique, et c'est encore une fois une suggestion de Pierre, qui nous a dit, passez donc Schism de Tool. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit, parce que c'est fucking bon. Alors, on va aller écouter Schism de Tool, parce que c'est du Tool, puis on aime ça. Mm-hmm. À tantôt! est de retour pour ce tour de table. Et GF, je pense que tu voulais nous jaser de quelque chose d'autre. Tu penses? J'espère. Oui. OK, ben je vais vous parler de brièvement, très brièvement, de la deuxième saison de Penny Dreadful, qui en est déjà rendu au 7e ou 8e épisode, je pense. Je sais à qui je parle. Je parle à Steven qui n'a pas encore vu la série. Il n'a pas encore vu une seule minute de la série. Puis à Seb puis Vicky qui, je pense, n'ont pas fini la première saison parce qu'ils se sont emmerdés. Pas emmerdés, mais pas accrochés. OK. Moi, c'est la journée de la légalité des mariages. Moi aussi, je pourrais me marier avec la première saison. Je me marierais avec. Là. Je l'adore. C'est totalement non naturel. Je l'adore. C'est une abomination. Je l'ai adoré pour différentes raisons, en particulier l'écriture. Il y a vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup là-dedans dans l'écriture. Je trouve ça super intelligent, puis super subtil, puis vraiment poétique, très très beau. Puis aussi l'acting. On parle de Timothy Dalton, Eva Green, Josh Arnett qui joue probablement le rôle de sa carrière là-dedans, puis plusieurs autres acteurs. Et c'est ça. Puis ben, juste faire un petit résumé rapide. Penny Dreadful, au début de la première saison, c'est ça, c'est Timothy Dalton qui cherche sa fille, Mina, qui a été enlevée. Et dans l'histoire, on trouve... Pourquoi tu fais non? Non, mais à cause de Seb. Okay. Non, c'est ça, Timothy Dalton cherche sa fille. Dans le fond, elle a été enlevée par des vampires, c'est assez révélé dans le premier épisode, fait que c'est pas un spoiler. Et on trouve aussi Victor Frankenstein dans les personnages principaux. On trouve Dorian Gray, le personnage écrit par Oscar Wilde. On trouve c'est ça, Mina, qui est dans le fond la fameuse Mina qu'on trouve dans le roman de Dracula. Et d'autres personnages comme ça. Je peux pas trop en révéler. Ça fait un peu penser, pour certaines personnes, ça fait penser un peu la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, mais c'est pas ça non plus. C'est écrit par John Logan, qui est un scénariste qui a écrit les deux, trois derniers James Bond, puis qui a écrit différents films pour Sam Mendes, puis des différents réalisateurs comme Ridley Scott aussi. Et donc, c'est ça. Moi, j'ai adoré la première saison. La deuxième, je la trouve, honnêtement, je l'ai trouvée dure, je la trouve difficile, elle est rendue, comme je dis, 7e-8e épisode, je la trouve difficile. Souvent, je m'endors durant les épisodes, mais c'est parce que parce que c'est mauvais, c'est parce que c'est une série qui demande beaucoup d'efforts quand même, tu sais. La première saison demandait des efforts, la deuxième saison en demande encore plus, je trouve, personnellement, puis c'est une série qui... ça vaut la peine de réécouter les épisodes parce que ça arrive souvent, comme je dis, que je m'endors. Mettons dans les dernières minutes ou dans les 10-15 dernières minutes, je vais m'endormir. Là, je vais réécouter l'épisode ou en réécouter une partie. Puis je me rends compte qu'en les réécoutant, c'est tout le temps meilleur. Comme la première saison, j'ai vu trois fois, je pense, puis à chaque fois, c'était meilleur. Tu sais. Fait que c'est vraiment une série qui vaut la peine d'être réécoutée, selon moi. Pour ceux qui aiment ça, évidemment, là, j'essaierai pas de vous vendre, de vous convaincre tous les trois, mais. J'essaie en tout cas de vendre un peu ce que à d'autres qui pourraient être intéressés, mais c'est ça. La deuxième est plus dure, je trouve, un peu d'embarquer, puis j'avais de la misère à adhérer au sujet qui maintenant c'est des sorcières. La première saison c'était des vampires, la deuxième saison c'est des sorcières. Puis j'ai de la misère un peu à embarquer là-dedans, mais plus ça va, plus ça s'améliore, plus ça va, plus vraiment je m'intéresse à ce qui se passe, puis aux différents enjeux, puis là, je suis pas mal accro, là, 7e-8e épisode, là, je suis pas mal accro, ça a été long, là, mais, fait que c'est pas très très vendeur, mon affaire, mais je pense que c'est une série qui vaut la peine, vraiment, qu'on s'y attarde, puis qu'on prenne le temps, mais ça demande des efforts, un peu, c'est dur, un peu. Alors, tu prends un pari avec toi, là. Non, vas-y, Steven. Je prends un pari avec toi. La journée que tu commences Daredevil, je commence la première saison de Penny Dreadful. Oh! Bon. Les paris sont faits. Oh là là! Rien ne va plus. Non, j'ai l'impression que c'est le genre de série qui ne pourra pas avoir énormément de saisons. J'ai comme l'impression que c'est le genre de truc qui ne peut pas s'étirer trop. Non? Peut-être, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête, John Logan. C'est lui qui écrit tous les épisodes au complet. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il y a. C'est quoi son plan global, là. Fait que. Mais tu sens qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que j'y fais confiance. Je sens qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose en tête, puis qu'il veut nous amener quelque part. Puis il n'y a aucun personnage qui est inutile. Des fois, tu vois un personnage pendant un épisode, pendant 5 minutes, puis tu y repenses après. C'était quoi ce personnage-là? Puis il revient plus tard. C'est ça, il n'y a rien d'inutile, puis je pense qu'il y a vraiment... tout son plan est fait, dans le fond, puis j'ai fait confiance. C'est surtout ça qui m'accroche, là, puis en plus de l'acting et tout ça. Là, Bon, mais en même temps, je pense pas que c'est négatif qu'il n'y ait pas beaucoup de saisons. Tu sais, je veux dire, là, cette semaine, la nouvelle que Hannibal va avoir juste trois saisons, désolé, mais c'est un prequel, hein, un prequel. À un moment donné, tu peux pas faire cette saison là-dessus. Là. Ben, c'est ça, là. Tu sais, à un moment donné, tu vas être rendu à Silence of the Lambs. Il y a encore une chance qu'elle soit. Tu sais, je veux dire, il est en train de négocier avec Netflix puis Amazon puis tout ça. Là, il est en train de jaser avec eux. Ouais, quelqu'un, quelque part, qui va le racheter. Je comprends, mais à un moment donné, je trouve que justement, trop faire de saison sur une série. Mais je suis d'accord. Moi, mon chiffre en général, c'est 5. Je veux dire, 5 saisons, c'est correct. Là. Parfait. T'sais, Breaking Bad, c'était parfait après 5 saisons. The Wire, 5 saisons, c'était parfait. Je veux dire, mais c'est-tu des rumeurs qu'il va y avoir une saison 6 de Breaking Bad ou c'est vrai? C'est-tu fondé cette affaire-là? Non, ben, non, dernièrement, Vince Gilligan a parlé que Walter White ferait une apparition dans Better Call Saul dans une des saisons, peut-être pas la deuxième, mais dans une des saisons. Ah ouais, c'est ça. OK, parce que même si je m'ennuie vraiment de Breaking Bad, je veux pas de saison 6. C'est parfait comme c'est là. Non, ça, surtout, j'ai pas encore vu Better Call Saul, mais je pense que Breaking Bad, faut pas y toucher. Là. Mm. OK, j'accorde un spoiler à un tel apparaît dans l'autre série. À quoi? Je colle un spoiler sur un tel risquerait d'apparaître dans telle série. OK. Parce que moi, ça me dit que c'est pas lui qui meurt. Ça veut rien dire, ça. C'est intemporel. Ah! Mais l'avez-vous vu, Better Call Saul? Non, pas encore. J'attends que le coffret sorte, dans le fond. Il s'aime? Non, parce que j'ai pas fini Breaking Bad. Donc, OK, parce que moi, je les ai vus, je les ai écoutés. J'ai AMC sur ma télé, fait que je les ai écoutés comme à toutes les semaines. Là. Puis, pour vrai, le début, les gars, là, le début est incroyable. Là, juste comme vraiment la scène d'intro à Better Call Saul est un bijou. Ouais, la scène d'intro, c'est une suite directe à Breaking Bad. Ah oui, puis c'est un bijou. Après ça, moi, j'ai vraiment adoré. Mon copain, il dit qu'il a décroché à un moment donné parce que ça manquait d'action. C'est vrai que c'est beaucoup plus moral que d'action. Puis, on les écoutait en anglais, pas de sous-titres, parce que direct à la télé. Fait que mon copain a beaucoup de difficultés. Il avait de la misère à suivre vraiment toutes les ramifications. Mais quand on comprend toute la teneur de chacun des épisodes, là, c'est vraiment bon. Mais on est loin encore de Breaking Bad. Juste pour vous dire, son nom, c'est pas Saul. Fait qu'on, non, c'est ça. Fait qu'il s'appelle pas encore Saul. À la fin de la saison, il s'appelle pas encore Saul. Fait qu'on... On a du potentiel de faire au moins 4-5 saisons, encore une fois. Mmh. Mais tu sais, Hannibal, à un moment donné, il faut que ça arrête. On s'entend-tu que Dexter, c'était trop long? Dexter, c'était épouvantable. Après toi, c'était parfait. Mais c'est ça, il y en a plein de même qu'on peut nous nommer que c'est épouvantable, comment c'est trop long. Fait que, Lost, tout. Je sais que c'est pas tout le monde qui adore, mais Supernatural, 5 saisons, c'était parfait, puis après, c'était de la grosse bullshit. Scrubs, ça a été ça. Ouais, on a plein d'exemples. Scrubs, la fin de la 8e était parfaite. Il aurait pas dû avoir de 9e. La 9e a été scrappée, ce que la 8e a fait. Ça aurait été correct si ça avait marché l'idée de faire un spin-off, là, mais ça n'a juste pas marché. Ouais. Fait, c'est une saison trop, tu sais. C'est qui a écrit Attack on Titan? Là, faut juste que je branche mon ordi, ce sera pas long. Bon, ben, vu que Jeff n'est pas là, on va le mentionner. Horror Gamer sur le chat, c'est moi. OK. On va le mentionner le temps que Jeff revienne. Si vous êtes fan de Attack on Titan, vous avez probablement déjà vu le trailer. Si vous n'êtes pas fan, allez voir le trailer de Attack on Titan qu'on a mis sur Horror Gamer parce que, peu importe, vous allez triper, ça a l'air écœurant. C'est malade. Malade. C'est malade. Ils ont été jusqu'à respecter la façon dont les titans sont dessinés. Ouais, vraiment, c'est super fidèle. Puis là, moi, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un trailer qui avait. C'est le premier qui montre le système de. Les cordes là, pour voler. Ben, pas voler, là, mais pour faire du. Pour se propulser. Ouais, je me demandais que ça arrivait. J'avais hâte de voir qu'est-ce que ça allait avoir de l'air, et c'est exactement ce que je voulais que ça ait de l'air. Donc, c'est parfait. Je voulais juste que le CGI tienne la route, puis bordel, c'est vraiment... Tu vois que le budget est là, puis que c'est vraiment un travail professionnel, fait que... Wow! Puis tu vois des éléments qu'un coup que t'as vu la série, tu le sais qu'il va être dedans, puis j'étais comme, yes, ils l'ont mis, puis c'est comme... Ouais! Donc, hey, on a fini de jaser de série. Ben, je veux juste mentionner, il y a Alex sur le chat qui dit qu'il n'y a jamais eu de bonne saison 7, puis là, je réfléchissais... Ben, je pense que Scrubs, c'est pas vrai. C'est, Buffy. C'était bon. Ah ouais, Buffy. Ah ouais, Buffy, par le temps que ça vieillissait bien, ouais. Moi, je disais Big Bang Theory, mais c'est pas vraiment dans le même genre. Ben, je vais mentionner Mad Men qui a fini cette année, puis Mad Men, c'était super. La 7e saison, c'était. La série complète est... X-Files? Elle n'est pas si bonne, la saison 7. Ah ouais? X-Files, je me suis arrêté avant que Mulder disparaisse. Ah, mais ils sont encore là dans la saison 7? Oui, il est encore là, Mulder. Okay. Bon, ben, j'ai arrêté avant. C'est durant la 8 puis la 9 qu'il y a John Doggett. En tout cas, j'ai bien hâte à la nouvelle saison qui est en train d'être en tournage. Oui, ça me donne le goût de recommencer pour m'y préparer. Mm-hmm. Sur Twitter, on a Jeep Vandal qui nous dit 5 saisons pour une série et un film. Quel est le nombre idéal de saison pour une série? Ben, non, ça c'est 6 seasons in a movie. C'est un gag Community. Non, mais lui, c'est 5. Je sais pas si c'est un gag de... Lui, il a écrit 5. Je sais pas si c'est un gag de Community qu'il fait. OK, parce que moi, je vois 6 de mon côté. Alex? Sur Twitter. Moi, je t'ai dit sur Twitter. OK, sur Twitter. Dans les films, 2, c'est parfait, parce que le 3e, c'est tout le temps la malédiction la plupart du temps. Une série de films que le 3e est excellent? C'est rare. Je dirais... Back to the Future. Ouais, c'est le premier qui fait tout le temps l'esprit, hein, Back to the Future. Ouais. Indiana Jones, c'est super. Ouais, ah oui, Indiana Jones. Non, mais dans l'horreur, pour le fun. Dans l'horreur. Bon, okay, je le dirais pas, vous allez me picher des roches. Ah non, vas-y, tu m'intrigues. La série des Screams, je les adore toutes. Ah, le 3, c'est de la merde! Nightmare on Elm Street, le 3, c'est celui-là qui se passe dans l'hôpital psychiatrique. Oui, ah oui, t'as raison, le 3, c'est un des meilleurs de Nightmare. Je vais sweeper Scream comme ça, en disant à l'autre, ben vous allez fermer votre gueule. Puis voilà. Ben, Friday the 13th, le 3e. Oui, il est quand même pas pire. C'est là qu'il se trouve sur le masque. Ouais. On pense pareil, mon fils Steven. que j'allais dire, voyons, Day of the Dead, de Romero. Oui, Day, oui. C'est mon préféré de la série. Hey, j'ai Dead. Acheté Land of the Dead dans ma collection des 30 films pas j'aime chers. Ça, moi, Land of the Dead. Je sais pas, je l'ai vu, donc il va être à bon. C'est pas une mauvaise suite, c'est le message qui est merdique, contrairement aux autres. Ouais, de son côté, son petit côté sociopolitique dans Land, il fait dur. Non, t'as raison, Steven, t'as mentionné Evil Dead. Mm. C'est vrai. Evil Dead, troisième, c'est Army of Darkness. Qui... Nice. Puis je vais en mentionner un récemment, Rec 3. Oui, oh, Rec 3. Il a fait le mouvement, Rec 3, drop the mic. Il a vraiment fait un drop the mic. Nice, Steven. Yeah. Et là, le chat, ça s'emballe. Là. On ne dirait pas tout, mais... Go, amène-toi des réponses. Pascal Jacob qui dit le 3, c'est le meilleur. Mais pour Friday the 13th, il dit que le 6e, c'est son préféré avec le 3e. DXMan 187 qui dit Scream 3 est de loin meilleur à Scream 4. J'ai quand même bien aimé le 4, moi. Ouais. Puis Pascal Jacob qui redit Day of the Dead, les zombies, les mieux réalisés, à mon avis. À cause de Pop! Seb, le gars sur Twitter te répond que non, il écoute pas Community. Fait que pour lui, c'est vraiment 5 saisons. Ok. Et bon. Et voilà. C'est plate, j'ai tout la raison. Ça fait, c'est dur. C'est ça, c'est tannant, hein? Halloween. En plus, ça faisait s'affraîchir tout à l'heure. Moi, j'ai MC, puis j'ai écouté Better Call Saul. Puis, ouais, en tout cas. Ouais, Halloween 3 avec Season of the Witch. Il est correct, Halloween 3, je trouve. Je l'adore, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Mais ça fait, faut-tu le prendre à part, c'est même pas Halloween 3. C'est quand même assez dark là, comme thème, là. Tu l'as tué des enfants par la TV. Là. Ouais, mais puis c'était le seul qui respectait, qui a suivi l'idée originale de on fait un film indépendant, puis on appelle ça Halloween, puis c'est juste quelque chose qui tourne autour de la fête d'Halloween, puis finalement, le concept a disparu, puis Michael Myers est revenu. Mais bon... Steven, on passe au show? Ouais. Non, mais c'est parce que on a encore beaucoup de stock. Je sais qu'il y a une grosse discussion qui s'en vient. Ouais, ben c'est correct. Je comptais pas en parler, mais là, vu qu'un auditeur qui l'a mentionné, qui serait intéressé peut-être à voir des pyramides, alors que les critiques n'étaient pas très bonnes. Moi non plus, je comptais pas le voir à cause des critiques vraiment loin d'être bonnes. Mais j'écoutais une interview de Grégory Lavasseur puis de Alexandre Aja qui parlait de ce film-là. C'est la première réalisation de Grégory Lavasseur. Puis il disait que c'est le genre de film qu'il aurait aimé voir dans les années 80, que ça avait le même genre de feeling puis le même genre de fun. Puis il expliquait qu'il avait tourné le film en Égypte, puis qu'il avait non seulement tourné cela, mais qu'il avait tenté d'intégrer le côté gouvernemental, puis la crise qu'il y a là-bas, vu que ça va pas bien. Puis il a voulu intégrer ça au film, puis en faire quelque chose. Fait que je me suis dit, OK, non, ça a l'air plus intéressant que ça a l'air. Fait que finalement, j'ai écouté. C'est un fan footage. Puis le groupe arrive en Égypte, ça dure 2 minutes, ils se font lancer des roches par les émeutes, ensuite ils arrivent à la pyramide et c'est fini la crise. Fait que là, on va essayer d'intégrer de quoi puis en faire de quoi tant qu'à tourner en Égypte. Fuck you! Vous avez rien foutu avec ça, c'est complètement inutile. Puis comme disait GF, c'est exactement ça, c'est un As Above Below, mais pas le fun, avec des personnages antipathiques. Puis le gros problème de ce film-là, c'est que il assume pas d'être un fan footage, puis moi, ça me fait chier. Si tu veux faire un fan footage, fais un fan footage. Si tu veux faire un film qui bascule tout le temps entre fan footage puis caméra réelle de film, ça marche pas. Je trouve que ça crée un quelque chose de brouillon, puis je suis pas capable d'embarquer. Surtout que un fan footage, surtout quand t'es un nouveau réalisateur qui apporte une première réalisation, dont Grégory Lavasseur, je me dis, OK, j'ai hâte de voir s'il y a de quoi de pas pire à nous montrer. C'est pas avec un fan footage qu'on va voir les talents de réalisateur. Souvent, ça se ressemble tout, puis ça n'a pas d'identité. Fait que je trouvais ça plate comme choix, mais c'est un film terriblement mauvais, que c'est un gros huis clos dans une pyramide avec des personnages antipathiques que t'aimes pas pantoute. Le seul point positif que je dirais, c'est que tu te dis, ouais, ça va sûrement être une momie, la créature, et non, ils tentent d'y aller avec quelque chose d'un peu plus original qu'on n'a pratiquement jamais vu dans le cinéma, mais c'est ridicule parce que c'est fait avec du CGI de bas de gamme, ça, c'est jamais effrayant, c'est maladroit. Et à aucun moment, je me disais que c'était une bonne production comme dans les années 80 qu'on pouvait voir, puis que c'était vraiment du gros fun qu'on écoute en gang. C'est un très mauvais film, un très mauvais fan footage. Puis ça me donne juste l'impression que Alexandre Aja et Grégory Lavasseur, malheureusement, depuis qu'ils ont été s'intégrer dans le cinéma américain, ils ont perdu leur touch, ils ont perdu leur volonté. Puis qu'est-ce qu'ils reprochaient au cinéma américain? Ils viennent juste de l'avoir, malheureusement. Je trouve qu'ils ont sombré dans cette vague-là, puis ils sont coincés là, puis c'est dommage parce que c'était des gars qui avaient beaucoup de potentiel. Et à part le remake de Maniac, qui est bon, mais qui n'est pas réalisé par Alexandre Aja, je trouve que ces gars-là font plus grand-chose de vraiment bon. Les deux derniers remakes qu'ils ont fait, c'est assez ordinaire, contrairement à Odd Tyson, puis de Hills Have Eyes, ce qu'ils avaient offert. Et The Pyramid, la pyramide, c'est pas ce qui va remonter la pente pour moi. Là. C'est vraiment un très mauvais fan footage. Non, Horn, c'était... Horn? C'est pas Alexandre Aja. Ah oui, oui, c'est vrai, ouais, même Horn, j'ai trouvé ça sur c'était hein. Correct, mais ça avait aucunement la touche magique que Aya a déjà eu. En fait, je trouvais que les 45 premières minutes sont très bonnes, puis qu'après ça, le film se plantait. Mm. Je pense que c'est Vicky qui disait ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est pas vrai? Ah, non, mais il y a quelqu'un qui me niaisait sous le chat, c'est juste ça. Ah, ok, ok. Fait que je pense que c'est DMX qui avait demandé ça. Fait que évite-les parce que ça fait partie de mes flops de l'année puis c'est à éviter de toute urgence. Ok. Paramount. Ben, moi, j'enchaîne. Oui, ouais, c'est ça, j'allais dire. Non, mais c'est juste parce que à ce moment, c'est fou comment tout ce que j'ai écouté peut rebondir sur ce que Steven vient de dire. Fait que ça fait vraiment. Mais j'ai un préambule, comme d'habitude. Et ben moi, dans la vie, je suis alcoolique. Puis de l'alcool, ça coûte cher. Puis de l'alcool, ça coûte cher. Fait que moi, mettre 2$ sur un film, c'est un investissement. Et là, dans le prochain épisode, on est censé parler des drames qui se passent en mer et en océan et dans l'eau. Et moi, je croyais qu'on faisait un film, ça, un épisode sur Open Water. Open Water. Puis, fait que là, ben moi, je l'ai acheté. Ça coûtait 2$. Je l'ai acheté. Et là, j'ai su que c'était même pas dans la liste. J'ai dit, fuck you. Je l'écoute, puis j'en parle en table ronde. Il n'est pas question que j'aurais investi 2$ pour la liste. Et quand je dis que je peux rebondir sur ce que Steven a dit, c'est que Open Water aussi est un film qui jongle avec caméra sur pied, si on veut, et fan footage. Puis c'est pas très bien fait, toutes les parties fan footage, parce que vraiment, le film, il est pas long. Il est même pas 1h30 ou à peine 1h30. Et pour vrai, là, le début pourrait vraiment être enlevé. C'est intéressant. Le film devient intéressant et bien fait quand ils sont dans l'eau. avant qu'il soit dans l'eau, c'est vraiment mal fait parce que c'est l'éclairage naturel. Fait que c'est, on dirait que c'est toujours, JF, aide-moi sur le terme, le surexposé. Donc, toutes les images ont l'air correctes. Ouais, JF, good job, JF. Merci. toutes les images sont surexposées. Est-ce que tout le monde a vu Open Water ici? Non. Oui, non. Il est dans ma liste à voir un moment donné. Là, je pensais qu'il serait dans l'épisode, mais finalement, non. Alors, je me trouverai une excuse pour l'écouter. Mais, donc, le film, ben, je pensais que tout le monde l'avait vu, fait que je vais juste dire rapidement, c'est qu'on suit le couple avant qu'ils se ramassent dans l'eau, mais tu sais, comme, qu'est-ce qui les amène, pourquoi ils vont dans le sud, pourquoi ils vont dans l'eau, pourquoi ils se prennent ce bateau-là. Fait que tu sais, c'est comme un peu chiant, puis pas très nécessaire. Tu sais, il aurait pu juste aller sous le bateau, parce qu'on sait c'est quoi le film, on sait c'est quoi l'histoire, puis en plus, ça jongle avec ça. Au vrai, là, à un moment donné, ils sont sur la plage, puis le gars, il dit, ah, oh, je vais aller me tremper les pieds. Là, t'as le titre qui apparaît. Open Water. Ouh. Fait que, tu sais, ça joue vraiment avec la connaissance du spectateur, que le spectateur sait c'est quoi l'histoire. Puis, d'un autre côté, ce qui est négatif, c'est que ce film-là, il était au cinéma et il a vraiment été jugé comme mauvais. Mais c'est parce que je pense que le public n'était pas prêt à ça. Parce que vraiment, images du début sont vraiment mal faites. On dirait d'un film tourné au secondaire, là. Tu sais, c'est vraiment, vraiment trop pris sur place. Il y a peu de montage. C'est vraiment un film de cégep, la manière que toute l'introduction est faite. Quand tu arrives au cinéma, tu attends un vrai film, puis tu pognes ça, tu fais « ouch », là. Moi, je te dirais que pour avoir travaillé dans un club vidéo, je m'entends. Ouais, ouais. Je suis pas coupable. J'ai rien fait. Pourquoi je m'entends, là? Je m'entends plus? Non, c'est correct, là. C'est la faute à Steven, là. Il fait son subtil, mais... Donc, j'ai dit, pour avoir travaillé dans un club vidéo, alors, à l'époque où ce que Open Water est sorti, j'en ai eu des commentaires de monde qui faisait comme « c'est-tu film poche? » Puis le commentaire qui revenait tout le temps, c'est « il se passe rien, c'est deux personnes dans l'eau. » J'ai l'impression que la réaction négative du monde, du grand public, c'est ça. C'est qu'ils sont pas capables de voir qu'il se passe quelque chose, même si c'est deux personnes dans l'eau. Ouais, mais est-ce qu'il se passe vraiment rien? Non, du tout, parce que tout le temps c'est du film, ils sont dans l'eau. Ah oui, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment stressant, pour vrai. Les personnages sont intéressants à écouter. Oui, exactement. Ils évoluent. Et à un moment donné, j'étais là, voyons qu'ils ne pognent pas plus les nerfs. Puis à un moment donné, ils pognent les nerfs. Je suis comme, OK, c'est vraiment ça que moi aussi, comme ça, j'aurais réagi. T'sais, c'est pas juste, j'ai faim, c'est plate, qu'est-ce qu'on fait? Non, à un moment donné, ils pètent une coche puis ils se mettent à crier des affaires un sur l'autre. C'est de ta faute, c'est de ta faute. Puis ça, c'est vraiment naturel comme film. Mais justement, je trouve que l'intro est trop naturelle. Fait qu'à un moment donné, c'est malaisant. Vraiment, là, j'écoutais le début du film, puis j'avais l'impression de voir un film de famille auquel je suis pas censée avoir accès. On arrive dans la chambre d'hôtel, à un moment donné, puis la fille est complètement nue sur le lit. Mais pour aucune raison, là. Elle est vraiment tout nu, puis vraiment, comme, là. Comme si t'étais le facteur, puis t'arrivais, là. Comme si t'étais le facteur, puis t'arrivais, là. C'est l'intrigue. Mais, justement, tu sais, je veux dire, t'es le facteur, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait, le facteur? Il s'est caché les yeux. Ah ah! Donc, c'est la même chose que j'avais. Il s'est caché les yeux. Ben, pour vrai, j'étais là, je suis pas bien à regarder ça, être tout nu, puis pour aucune raison, pour vrai, c'est même pas une scène qui va y avoir du sexe, c'est juste tout nu parce qu'il a chaud. Mais, t'es comme, ouais, mais je suis pas censée avoir accès à cette image-là. Ou comme, juste au début, Seb, quand elle parle au téléphone, t'as l'impression d'être en intrusion, d'être dans sa bulle à cette fille-là. T'as pas d'affaire à avoir accès à ces images-là. Fait que quand ils sont pas dans l'eau, c'est malaisant. Mais est-ce que ce serait pas ça un bon fan footage? Donner le feeling que t'as pas d'affaire à voir ces images-là? Il y a ça, c'est vrai. T'amènes un très bon point. Parce que le début, c'est ça. C'est malaisant, tu sais pas... Tu devrais-tu continuer à les écouter? Puis, en plus, c'est qu'on joue sur le fait que tu es censé savoir ce qui va s'en venir. Fait que, tu sais, c'est pas ce que. Le fan footage, tu vas, même si tu es dans un fan footage, tu as toujours l'impression que c'est scénarisé. T'sais, tu vois les acteurs, tu vois tout ça. Puis, c'est toujours des éléments importants. T'sais, tu vois jamais de scène de ce que tu fais. Ouais, je pognerais la vidéo. Puis. C'est ça. Là, début, il y a plein de scènes pas importantes. Fait que, peut-être que c'est quelque chose que le fan footage devrait retrouver, ça. Des scènes pas importantes parce que quand on se filme entre nous autres, on s'entend que si tu montes ça à quelqu'un d'autre, l'autre va faire comme ouais, mais c'est complètement sans intérêt, là, j'étais pas là, puis c'est pas le monde que je connais. Ça mène un très bon point qui est peut-être. Je sais que je suis le même, moi. Ah, oh, quelle fin analyste. Mais c'est ça. Fait que Open Water, c'est ni bon ni mauvais. mais c'est juste comme intriguant comme film. Puis toute la portion dans l'eau est vraiment incroyable. Oui, c'est ça, j'étais vraiment stressée. Puis on embrasse vraiment l'idée que ce film-là est tourné caméra à l'épaule, même si à Mané, quand ils sont dans l'eau, on ne sait pas qui tiendrait la caméra, mais tout est éclairage naturel. Ce qui fait que quand ils sont dans l'eau, puis c'est la nuit, tu vois rien. Mais c'est comme normal. Puis on t'a amené vers là de toute façon, parce que depuis le début du film, quand il n'y a pas de lumière, ben tu vois rien. Dans la chambre d'hôtel ou dans l'auto, mettons. Fait que non, pour vrai, je pense que c'est un film à voir, mais c'est un film quand même particulier. Au départ, j'espérais qu'il soit choisi par le public, puis malheureusement, non. Mais non. C'est dommage. On a Michel Fafard qui dit « Open Water, c'est un huis clos sans pièces. » Oui, c'est vrai. Exactement. Oui, tout à fait. David Michaud qui nous dit « Le premier est correct, mais le deuxième Open Water n'est pas super bon. Même limite, je dirais qu'il est mauvais. » Ouais, c'est un mauvais film. Donc, je ne l'achèterai pas à 2$, celui-là. Pascal Jacob qui dit « La fin est rough. » Ça dépend. Est-ce que tu parles... Je parle à Pascal comme si elle aimait me répondre. Mais il y a la fin, puis il y a... C'est-tu prologue, épilogue? À la fin, c'est un épilogue, hein? Épilogue, oui. Ouais. Je pense qu'il parle plus de vraiment la fin et non l'épilogue. La fin est poignante, mais l'épilogue m'a fait chier. OK. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais y aller quand même énigmatiquement, mais je trouve que l'épilogue est juste pour... Et tiré par les cheveux juste pour te donner un petit clin d'œil final, puis je trouvais que c'était pas nécessaire, personnellement. OK. Mais je pense pas que Pascal vous parlait de le... l'épilogue. L'épilogue, ouais. Il y a des X-Men qui disent Open Water, c'est le couple qui a fait Silent House avec la magnifique Elizabeth Olsen. Avez-vous vu Silent House? C'est l'affaire de la poupée, ouais. Ça? Non, Silent House, c'est le film qui est supposément un long... plan séquence, qui n'est pas le cas. Plan séquence, merci. Mais qui n'est pas le cas, qui est quelques cotes, avec Elizabeth Olsen. C'est un des films que j'ai trouvé super bon, mais qu'à la finale, j'ai comme fait « Oh, fuck you, let's face. » C'est un des rares remakes que je trouve qui est meilleur que l'original. J'ai pas vu... tu parles-tu de Dream House? Silent non. House, c'est un remake? Silent House, c'est un remake d'un film espagnol. Ah oui, lui, oui! Lui était réellement un plan séquence de toute la durée. Sauf que je te dirais qu'il se passe plus de trucs dans Silent House, puis l'actrice principale est meilleure. Comme toi, la fin, je pense que c'est une fin typique hollywoodienne, mais en même temps, elle m'a pas fait si chier que ça. Je trouvais que ça l'a... Ça, je sais pas, elle m'a pas autant énervé alors que normalement ça m'aurait fait chier. Mais... Non, moi, elle m'a vraiment fait chier. Ouais. Elle m'a vraiment, vraiment fait chier parce que le film, en tout cas, est du point de vue de quelqu'un, puis ça devrait pas arriver, en tout cas, peu importe. Il y a Pascal qui nous dit, quand tu sais qu'il n'y a plus aucun moyen de s'en sortir, je trouve ça rough. Ouais. Puis il y a des semaines qui disent, oui, si tu marches, la fin, fuck you. D'X-Man qui dit « Moi aussi, Sébastien, la fin de Silent House, fuck you. Okay. » C'est vraiment DX. À chaque fois que tu dis des X-Men, je pense que tu parles des mutants. Fait que c'est des X-Men qui sortent. Non, excuse-moi, Vicky, tu t'avais commenté sur Pascal. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Mais il y a Pascal qui nous mentionne qu'on devrait se taper Cyclone 1978, puis je suis en train de checker sur IMDb, puis c'est l'histoire d'un crash d'avion où les survivants sont sur un petit bateau, puis ils en viennent au cannibalisme d'après IMDb, là. Fait que ça a l'air quand même assez intéressant. C'est pas le film populaire qui passe tout le temps à TQS? Ah non, eux autres, ils se ramassent sur un pic de montagne. C'est pas encore TQS, je sais pas en quelle année tu vis, là, mais... Non, mais moi, Alors, AMC puis TQS. Puis il y a Pascal Jacob. Michel Richard est tout le temps dans ma télé. Je suis la reine de TQS. Pascal Jacob mentionne aussi que The Green Inferno sort dans pas long. Et c'est pas pour fâcher le monde, mais vous êtes excité pour rien. À moins que vous ayez envie de voir Scary Movie 6 et non Cannibal Holocaust, vous pouvez être excité. Sinon, c'est une putain de déception, puis je vous préviens, vous allez vraiment être déçu. Mais moi, Eli Roth, là, j'ai déchanté là, quand il m'a pas vu. Ben, à part Hostel Part 2, que c'est vraiment lui que j'ai préféré, puis Cabin Fever, il n'y a rien d'autre. Là. Ouais. Son interprétation dans Inglourious Basterds, mais c'est pas à cause de lui, c'est à cause de... Non. À cause de Tarantino. Ben, crée-moi que oui. C'est pas avec Green Inferno que tu vas te racheter. Mais tu sais, oui, c'est sûr que, bon, Hemlock Grove peut-être, là, mais moi j'ai pas aimé. Puis, tu sais, il produit beaucoup. Mm-hmm. Puis je pense, tu sais, il a sa place dans l'horreur, mais moi, en tant que réalisateur, c'est pas ça qui me fait triper. C'est quelqu'un qui avait du potentiel, puis t'as l'impression que ça se dirige pas vers là où tu pensais. Ouais. Exact. Je vais y aller. Je vais y aller, bye! Non, c'est pas ça. je vais y aller avec We Are Still Here. Fuck you! Ben, We Are Still Here, c'est un film. J'ai pogné ça sur une liste de films qui étaient à voir. Je me suis dit, ah ouais, j'ai pas entendu parler de ça, mais là, j'ai vu que Barbara Crampton jouait là-dedans. Yeah. Je me suis dit, oh, déjà là. C'est intéressant, Barbara Crampton qui se demande. Oui, on me semble que ça me dit quoi? C'était la fille dans Réanimator. La sexy Barbara qui est en sado dans From Beyond. Oui, aussi. Mm-hmm. Elle était encore sexy. Ben, ouais, c'est réalisé par Ted Geoghegan. Geoghegan. Ça me dit rien ce nom-là. C'est son premier long métrage. Et ça paraît. Ça paraît que c'est son premier long métrage. Parce que le gars ne sait pas cadrer, ne sait pas utiliser une caméra vraiment. des fois, tu le regardes, tu fais comme man, va falloir que tu fasses tes classes parce que t'as de la misère. Va te chercher un meilleur directeur photo que ça parce que c'est pas le fun de regarder faire. Des fois, tu te dis OK, non, il l'a eu. Des fois, tu fais comme non, ça c'était pas bon. Ah non, ça c'était bon. Ah non, ça c'était mauvais. Est-ce que ça te sort de l'histoire? Non, parce que, en bout de ligne, l'histoire au début, t'es comme ouais, là je pense qu'on est en train d'aller dans le cliché, puis la réalisation fait dur un peu, fait que là je trippe pas. Puis là, à un moment donné, le film sort de ses clichés, puis de ses hommages au style de maison hantée. Parce que, je vous résume, un couple achète une vieille maison, leur fils vient de mourir, et ils pensent que leur fils est un fantôme dans cette maison-là. Mais ce serait probablement pas leur fils et ce serait quelque chose de beaucoup plus dark. Et c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus dark qui est là. Vraiment beaucoup, beaucoup. Quand le côté dark du film embarque, il embarque. Puis, dans le style maison hantée, il y avait eu, moi personnellement en tout cas, il y avait eu le film Housebound qui m'avait surpris par ses différents revirements. Ouais, vraiment bon. Mais Housebound, lui, ce qu'il faisait, c'est tu pensais que c'était ça, mais finalement, c'est ça. Oh non, finalement, c'est ça. Finalement, c'est ça. Ce que We Are Still Here fait, c'est tu pensais que c'était un film de maison hantée? Non, en plus, ça va être un film de ça. Ah, mais tu pensais que c'était fini? Non, en plus, il va avoir ça. Plutôt que de changer puis de virer de tous les bords, il y ajoute du stock. Tandis que, fait qu'à la fin, ça devient un gros fuckfest de gore, puis t'es comme au début, tu fais comme ok, c'est un petit film de maison hantée parce que je vais faire le saut puis voir des petits fantômes dans les coins. Puis tu dis non, ok, non, c'est plus ça pantoute. Là, ta gueule à terre, t'as le sourire fendu, puis tu fais juste profiter de la ride, même si sa réalisation est pas si hot. Non, tu t'amuses là. La vibe, apparemment qu'il y a une vibe, en tout cas c'est l'impression que j'avais avec les images de Lucio Fulci, c'est-tu présent dans le film? Ben ouais, il y a un petit quelque chose, je comprends ce que tu veux dire par les images de Lucio Fulci, puis mais tu sais, c'est parce que si j'en parle, ça gâche. Ouais, parce non, que c'est le genre de film que si tu sais pas jusqu'où ce que ça va, c'est trippant, c'est vraiment trippant. Mais tu peux vraiment te gâcher le fun à trop en savoir. D'ailleurs, la bande-annonce, là, ceux qui écoutent, n'allez surtout pas voir la bande-annonce. Elle dévoile les meilleurs moments, puis elle dévoile jusqu'où ce que le film va. Ça, je trouve ça plate, tu sais. Parce qu'à la fin, t'as plus de surprise. Le film va beaucoup plus loin qu'on pense. C'est ça qui est le fun. C'est ça que j'aime, tu sais. Un film qui nous surprend, puis que même s'il va dans les clichés, il fait une empilade. Là, tu sais? Ah non, c'est vraiment là un film que la première demi-heure, tu te dis, je suis pas sûr que je vais le toffer. c'est juste so-so. Puis là, Manu, tu fais, ah non, oh non, il reste juste 10 minutes. Quand la fin arrive, tu fais, non, non, pourquoi ce fini-là? Non, câlisse, j'en voulais plus. il va en pente ascendante tout le long. C'est vraiment attripant. On a Sylvain Dimanti qui vient d'arriver. Salut Sylvain. Yeah! Pour ceux que ça intéresserait, justement, ce film-là que Seb vient de parler, il va être au Fantasia et je compte bien aller le voir, évidemment. Fait que c'est une bonne occasion d'aller encourager ce petit film-là, que le réalisateur va être là avec toute son équipe. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, dans le fond, moi, je l'ai écouté iTunes, VPN, tout ça, donc c'est plus ou moins évident à écouter. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Au début, j'étais comme, oh, shit, je me suis pas cassé la tête pour ça, mais non. Donc, oui! Hey! On irait-tu pour un autre intermède musical, puis on revient pour notre dernier tour? Ouais, petite pause pipi. Slash segment, parce que j'ai l'impression qu'il va être beaucoup plus long, puis on a déjà pas mal de stock à faire. Ouais. Alors, on n'a pas eu beaucoup de suggestions musicales, mais on en a une que je pense qui devrait faire l'affaire. J'essaie de trouver c'est qui, puis là, je veux pas trop perdre de temps. Oh, ben il est parti. Ben écoute, tu l'auras pas d'avoir ta suggestion si t'es parti. Donc, j'ai perdu. Ben, excusez, là. Hey, salut Sylvain. Oh, oui. Wow, JF sort de nulle part. JF sort de nulle part, viens de voir Sylvain. On avait quelqu'un qui nous avait suggéré du Motorhead, mais il est plus là, fait que, ben, just too bad. Alors, c'est DXman qui nous a suggéré, Behemoth avec Blow Your Trumpet. Et c'est pas juste la trompette qu'on a là-dedans, c'est du gueulage sale. Alors, on revient, on est loin de Tours, là. Alors, on revient. We'll be right back. on est de retour après ce gros galage fort. En tout cas, si ça vous a plu, tant mieux. Sinon, vous chiolerez, c'est DX qui nous a suggéré ça. Je pense que là, on a un gros morceau à attaquer, tout le monde. D'habitude, on ferait un tour de table, là, puis chacun parlerait d'un film, mais là, on a un film à jaser. On a trois d'entre nous ont fait une vidéo là-dessus. C'est pas ce qu'il y a eu. Aucun écoutait des vidéos. mon tout est. Non, en tout cas. Donc, vous l'avez deviné, Jurassic World. Fallait en jaser. Ben, j'allais dire, c'est pas de l'horreur. C'est correct, c'est de l'horreur pareil. Là, on a fait un épisode sur des films de dinosaures. Là, c'est des monstres. C'est un film de monstres. Hey, moi, j'ai eu peur. Tu te retrouves dans cette situation-là, c'est de l'horreur. Ok. Mais d'abord, ok, oui, justement, on a parlé les trois gars. Vicky, lance-nous sur Jurassic World parce que t'as eu peur. Moi, j'ai eu peur. Peur. Pour vrai, je me souviens plus à quel moment. Ah oui, c'est quand que on se rend compte que le dinosaure, là, il peut se camoufler, là. Ben moi, j'ai eu très peur. Okay. C'est un spoiler, ça? Ben oui. Ok. Mais là, tu parles de Jurassic World. Ok, oui, ok. Est-ce qu'on se dit qu'on spoil? Ben, moi, je pense que oui, rendu là, de toute façon, partout le monde qui a parlé de Jurassic World, on spoilait. Ok, mais alors, sur le chat, ceux qui nous écoutent, on spoil Jurassic World. Alors, ça va dropper, il va y avoir juste une personne ou deux. C'est ça. Il va y avoir Sylvain qui va être comme, « J'ai pas aimé ça! » Non, Sylvain, il a aimé ça, je crois. Sylvain a aimé ça? Pourtant, il m'a dit que... Je pense que oui. Il m'a écrit, puis il m'a dit, « T'aimeras pas notre épisode d'horreur web à cause de moi puis Marc-Antoine. » Ah, ok. Ouais. Bon, écoute Vicky, vas-y. Ben, juste pour continuer aussi, parce que j'ai écouté quand même 2 minutes du vidéo à Steven, puis 5 minutes du tien, Sam. Un jour, wow. Tu passeras ton tour. Et les deux, je pense que vous aviez dit que le background des kids, ça vous faisait pas triper. Puis moi, au contraire, je trouvais que le background des deux jeunes garçons, donc dans Jurassic World, on suit deux jeunes, Yeoman. Puis les deux jeunes, c'est parce que je trouve que t'en as un qui est représentatif de toutes les jeunes qui, justement, auraient tellement voulu aller dans le parc jurassique après le premier film. Puis t'as le deuxième qui est comme, tu sais, le chum ou la blonde que tu traînes, puis elle calme-toi. Là, c'est rien que des hosties de dinosaures, puis un film de Jurassic Park. Là, on en a vu d'autres, calme-toi. Fait que je trouvais que les deux créent une espèce d'immersion du spectateur parce qu'on pouvait se représenter dans l'un ou dans l'autre. Mais moi, je te dirais que ce qui m'a tanné, là, c'est une scène en particulier. La scène du divorce. Ouais. Il n'y avait rien à faire, là. Ça n'avait pas rapport. On s'en fout, les parents ne sont pas là. Oui, puis l'intro. L'intro avec les jeunes, c'est trop long. Non, l'intro est nécessaire parce que... Parce que quand tu arrives dans la... Le petit gars, il va dans sa chambre ou elle va le chercher dans sa chambre, le plus jeune des deux, tu remarqueras que tous ces jouets, c'est des jouets que nous, on avait à notre époque. Il y a plein de jouets rétro, il y a des vieux dinosaures. Fait que moi, je me sentais comme... Moi, j'ai bien aimé Jurassic Park, mais mon cousin, OK, il avait tellement trippé que toute sa chambre était recouverte de posters 3D que tu regardais avec les lunettes. Mais oui, c'est ça, je t'ai reconnu dans ton vidéo, j'ai reconnu mon cousin que tu avais tes lunettes 3D puis tu regardais puis les dinosaures sortaient des posters. Puis moi, je me suis sentie dans sa chambre à lui. Fait que moi, j'ai dit, OK, cette scène-là, ça a juste à nous dire, toi, fan de Jurassic Park, identifie au petit garçon et suis-le par la main puis ça va être toi qui explore le parc. La scène de divorce, effectivement, j'ai pas compris. À mon avis, il y a eu une version, tu sais, comme plus longue, puis ils ont coupé, puis ils ont oublié de la couper celle-là. C'est mon hypothèse, parce que logiquement, elle n'a pas d'affaire dans le film. Non. Peut-être que la version plus longue est plus expliquée ou elle revient plus tard, mais dans la version vraiment du cinéma, elle n'a pas rapport. Vraiment moi, j'ai plus l'impression que c'est pour boucher des trous. Oui, mais c'est ça. Oh, oui, vraiment. Écoute, elle n'avait pas de trou à boucher. Ben, ça a l'air que oui, pour eux. Mais j'ai l'impression que c'est comment-là. Ouais, vas-y. Elle était cohérente parce que, juste avant, la mère des deux garçons appelle la sœur, donc elle qui doit s'occuper des deux jeunes au parc, et elle dit, j'aimerais ça que tu sois là parce que mon plus vieux est toujours méchant avec mon plus jeune. Tout de suite après, c'est la scène où le plus jeune, il pleure parce qu'il a peur que ses parents divorcent, puis il réconforte. Donc, il dit, mais c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Fait que cette scène-là a vraiment, vraiment aucun rapport, mais le reste, je trouvais que ça avait vraiment une immersion dans « Est-ce que toi, t'es le blasé qui pense que c'est juste un film plate? Ben viens, on suit l'autre, là, puis on va t'impressionner. » Oui, ben, mais je reviens à l'intro. Moi, c'est l'intro à la maison, l'intro à l'aéroport, L'intro, on arrive au parc. Tu sais, moi, je repense à l'intro de Jurassic Park, là. C'était, premièrement, un dinosaure qui tuait quelqu'un à partir d'une cage. Déjà là, t'étais comme, oh, on n'a rien vu, puis j'ai déjà peur. Puis après ça, c'était Dr. Grant qui faisait son speech avec sa griffe. Ouais. Disait, ce dinosaure-là, c'est un tueur. Il te montrait une griffe, puis t'étais comme, oh mon Dieu, mais j'ai peur. Il te préparait pour les raptors du film. Oui, il te buildait ça, tu sais. Oui, je comprends qu'à Jurassic World, il ne faut plus builder ça, là. À un moment donné, on les a vus. Mais tu sais, ouais, au contraire de builder, est-ce qu'on ne te crée pas une attente? Hey, je veux y aller au parc. Hey, tassez-moi ce monde-là. Je veux y aller. Puis, hein, est-ce que le parc vous a émerveillé, vous, quand vous l'avez vu? Oui, vraiment. Ah ouais? OK, pas moi. Plus ou moins. Vraiment. En fait, c'est parce que ce qui est plate, c'est qu'au moment où ils utilisent pour la première fois le fameux thème de Jurassic Park, c'est quand ils arrivent dans l'espèce de chambre. Puis là, j'étais comme, mais il semble que la musique ne fit pas. Puis là, le petit gars ouvre les rideaux, puis on voit le parc. Puis là, j'ai comme fait, ouais, je pense que j'aurais peut-être utilisé comme première fois le thème à un autre moment plus impressionnant. Man, c'était tellement plate qu'il ait utilisé ce thème-là à ce moment-là. J'étais comme, Ah ouais, moi, j'ai trouvé que c'était le bon moment. Parce que le thème, je trouvais personnellement qui est arrivé en même temps qu'on découvre le parc. Puis il fallait l'associer au parc. À quel tu l'aurais mis, toi? Ben moi, là, j'aurais voulu un survol du parc, puis dans le survol du parc, voir des dinosaures. Pas mais voir étant donné des que cette scène-là était pas là, non, étant donné que cette scène-là était pas là, la musique, fallait qu'elle... Mais c'est que cette scène-là aurait dû être là. De toute façon, s'ils mettent cette musique-là, c'est pour te faire retrouver ce feeling-là du premier Jurassic Park. T'es supposé être émerveillé, puis la fameuse scène qu'on voit est juste bof. T'es pas comme... Hey, dans sa chambre d'hôtel, il ouvre des rideaux. T'sais, t'es comme... Vous savez que je suis au Québec. Il ouvre des rideaux, c'est une porte. T'sais, il ouvre une porte, il ouvre un monde. Derrière les rideaux, voici ce qui se trouve et voici la musique. Il aurait dû le faire quand il ouvre les portes de Jurassic World. Je sais pas. Ajoute-tu à ce moment-là, mais les portes de Jurassic Park, même le plan qui filmait les portes de Jurassic World était plat. Dans bande-annonce, c'est même pas le même plan. Dans bande-annonce, c'est le même plan que dans le premier, puis dans le film, ils utilisent un autre plan à côté, puis j'étais comme, oh, comment? Puis vous autres, la scène, tu sais, on sait qu'ils vont survivre, là, mais la scène, ils sont dans le truc rond, là, puis qu'ils se font attaquer par le méchant. Ben, moi, j'ai peur, je sais qu'ils vont survivre, mais j'ai peur. Ah, ben moi, cette scène-là m'a fait capoter à cause de la façon que l'Indominus Rex se bat contre les ankylosaures. Qui essaye des morts, puis essaye des morts, puis essaye des morts, puis à un moment donné, il fait comme, hey, si je suis pas capable, moi, t'en virer un de bord, puis. C'est ça que tu fais, ok, ce gars-là. Ce méchant-là est très intelligent. Oui. Là, tu te dis, ok, où est-ce qu'il va aller? Fait que là, tu suis les petits gars, puis là, les petits gars se retournent, puis il y a l'œil qui les regarde. Moi, je me suis fait pipi dessus. J'ai eu peur. Ben, tu vois, moi, c'est à ce moment-là que je suis sorti pour faire pipi. Je suis arrivé, puis les petits gars, ils voyaient déjà l'œil. Non, c'était tellement beau. Je me suis fait... Oui, hein? Quoi? Moi, je trouve ça tellement beau. OK, j'aurais compris, ça devait être tellement beau. Non, c'était tellement beau comme moment, parce que je trouvais que c'était tellement bien cadré. C'était comme... L'œil. En fait, la scène de la boule, c'est la même scène qu'avec les voitures de Jurassic Park 1. C'est la même scène. C'est juste qu'elle a peut-être moins d'impact et moins réussi, mais quand même une bonne scène. Je suis d'accord avec toi, Steven, sauf que cette scène-là revient dans le 2 puis dans le 3. La scène où on attaque un véhicule, dans le 2. Dans le 3, c'est avec l'avion, dans le fond. Dans le 3, c'est l'avion. Oui, la carcasse de l'avion, c'est vrai. L'autobus Winnebago. Fait que on dirait que c'est tellement une scène mythique qu'elle revient. Fait que tu peux pas la comparer au 1. Ou juste à comparer dans une suite logique. Oui, t'as raison. Ouais. Puis dans les quatre, c'est la deuxième meilleure fois qu'on voit cette scène-là. Oui, moi aussi, je trouve. Parce que dans le 2, elle fait juste comme « faut aller plus gros ». Puis dans le 3, elle fait juste « ben faut la mettre ». Oui. Mais, tout le monde est en réflexion ici. J'ai eu peur, puis c'est pour ça que je dis, moi, je trouve que c'est un film d'horreur. Moi, j'ai vraiment été plongée, j'ai eu peur, j'ai eu plein de moments où que... Tu sais, excusez, là, mais quand les longs coups, parce que moi, je connais pas leur vrai nom, c'est le méchant puis les longs coups. Fait que quand les longs coups, ils meurent, Ben, c'est pas des bacchazors, c'est des apatazors dans ceux-là. Des longs coups. Quand les longs coups, ils meurent, c'est connais, non, par cœur. Mais en même temps, quand il dit qu'il tue pour le plaisir, c'est un frisson qui te parcourt la colonne. Et en plus, cette scène... c'est une des seules scènes où ce que le dinosaure, c'est vraiment un dinosaure mécanique. Et c'est la seule fois où un dinosaure mécanique et il meurt. Et on dirait que c'est comme dans tout le feeling de Jurassic World où c'est plus gros, plus. C'est la mort du mécanique. Ouais. Mon Dieu, hein? Tu poses ça, mais en même temps. Mais c'est la mort du mécanique. C'est la seule scène foutrement vraie. Et c'est une mort. C'est pas du rah, c'est non, c'est je les ai toutes tués, les dinosaures. Les vrais dinosaures, je les ai toutes tués. À ce temps, ça va juste être des dinosaures CGI. Je savais pas que c'était tous des CGI excepté celle-là. Fait que c'est vrai. Seb, c'est profond vrai. Ça. Mais je le savais pas. Fait que non, c'est totalement vrai ce que tu dis. Ça m'a marqué. C'était touchant cette scène-là, j'ai trouvé très belle. Vraiment. Ah oui, c'est la langue. En tant qu'elle donnait des frissons, autant qu'elle était très belle. Ouais, effectivement. Fait qu'un beau mélange avec moi. Jurassic World, j'ai trouvé que c'était un film efficace. J'ai trouvé que ça fait peur. Oui, c'est pas un film parfait. Puis oui, il va y avoir des trucs qui vont faire, ben voyons, bon, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais c'est de même un film aussi à maner. Il faut que tu te laisses emporter, tu te laisses transporter. Puis, surtout pense que tu vas voir dans un blockbuster, tu sais. Ouais. Exactement. Puis je pense que autant que oui, le premier film a moins de moments que tu as envie de leur dire, voyons, c'est pas comme ça que tu devrais agir. Et voilà, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on dirait qu'on a moins cette portée de réflexion-là. C'est comme, on va en parler tantôt, toujours plus gros, toujours plus incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, et les blockbusters, c'est leur gros problème, c'est de tout nier une espèce de portion morale et philosophique. Tu sais, comme le Jurassic Park, ben t'as des suites. Le 2, il y a quand même une suite un peu, il y a quand même une philosophie derrière. Mais le 3 et le 4, c'est ce que moi que j'ai le plus déploré, c'est qu'on n'a pas de réflexion morale sur qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on a le droit de le faire. Moi, c'est la seule chose que je trouve déplorable. Le 4 essaye un petit peu de revenir sur l'idée de peut-on jouer à Dieu et créer blablabla et prendre le contrôle de la nature, mais elle n'est pas aussi forte. Le 2 est plus fort que le 4 là-dessus. Ben, le 2... En fait, le 4 se concentre plus sur la critique du cinéma et du spectateur que justement le côté Dieu des scientifiques. Oui, puis le 2, quand vous lisez le livre de Christian, puis qu'après ça vous écoutez le film, le 2 parlait de la maternité. Le 2 est axé sur les enfants des dinosaures et le côté protecteur. Dans le film, ça paraît pas tant que ça, mais dans le livre, c'est énormément. Ce n'est que le sujet principal du livre. Mm-hmm. Et c'est vraiment intéressant. Mais est-ce qu'on saute tout de suite dans le... Avant d'aller dans le gros, qu'avez-vous pensé de la fin? Parce moi, j'adore. J'ai lu là, du monde là, qui disait « Ouais, mais là, ça devient un tag team d'Avengers, de dinosaures contre le... » Ouais, mais je m'en fous. Il y a du monde qui disait ça en sortant de la salle. « Ok, le dinosaure qui fait ci, le dinosaure qui fait ça, c'est rendu abusif. » Ouais, mais t'as pas compris encore le but du film, c'est de te faire triper puis d'avoir du fun. Puis la finale, je pense que la finale, c'est ce qui résume le mieux de qu'est-ce qui me faisait triper dans le premier Jurassic Park. Puis c'est juste le fun, c'est juste un gros divertissement où il arrive ci, il arrive ça, puis il y a des interactions, puis ça sort de nulle part. Puis oui, c'est gros, oui, c'est abusif, mais c'est un putain de blockbuster, c'est supposé être le fun, t'es supposé triper, puis la finale te le donne, même si c'est... Mais attends, là, la finale du premier, c'est quand même deux raptors qui s'attaquent au T-Rex, puis là, eux, ils peuvent s'enfuir parce que les deux raptors s'attaquent au T-Rex. Oui. Ouais, mais les T-Rex ne font pas ça pour aider les personnages non plus. La grosse idée de l'océan non plus. Non, mais c'est parce que la manière qu'on nous le présente, le Vélociraptor, t'as comme un gros ralenti, puis tu le vois arriver, foncer, puis avec une musique d'espoir. Tu sais, c'est vraiment, on est supposé prendre parti que le Vélociraptor, il est là pour aider, c'est le héros du film. T'as l'impression que c'est le chien qui court pour les aider, là, tu sais. Tu sais, cette scène-là, je me suis dit, ok, j'ai plus la même vision du Vélociraptor que le premier Jurassic Park. Non, on dirait que c'est le good guy qui arrive à la fin. Les gars! Non, mais Oui, mais en même temps, le fait qu'il y ait un éclair bleu sur le côté me fait dire pas tous les raptors ont réagi ici. Lui, oui, c'est mais blue. Pas tous. C'est bleu. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, oui, c'est drôle, puis c'est au ralenti, comme vous dites, mais en même temps, moi, j'aurais pas dit, hey, les raptors sont là pour nous défendre. Non, blue est là pour nous défendre. Peut-être. Moi, est-ce que. Si un T-Rex non, m'attaque, là, Samy, je vous jure qu'elle va y mordre les mollets. Hey, non, elle va se laisser, sinon elle va se laisser plater. Mais est-ce qu'il y a vraiment des moments que vous vous êtes dit, oh non, sérieux, là, le film t'a raté ta shot, là? À un là, moment, on a une affaire de Fifi, fait que je sais pas si je devrais le nommer, là. Honnêtement, il y en a peut-être un, puis je voyais la bande-annonce, puis je pensais que ce serait plus concentré. C'est l'attaque contre le monde du parc. Je trouve que c'est juste une scène avec des pérodactyles, c'est tout. J'aurais voulu plus, ouais. J'aurais voulu d'autres choses qui viennent les attaquer. Ouais, t'as raison, ça aurait pris d'autres moments ailleurs dans le parc. Sauf que, hey, je suis chiante à soir, je suis tout le temps dans les accords avec les autres. Sauf que le fait de voir le ptérodactyle prendre leur gardienne, la rentrer dans l'eau, leur sortir, la semer, la rentrer. C'est la meilleure scène aussi. Mais, oui, mais c'est parce que c'est ça une attaque d'animal. Ouais. Moi, je me suis sentie une attaque d'animal sur sa proie. Et j'ai trouvé ça très intelligent parce que, à un moment donné, t'es comme « ouch », tu te mets à sa place, t'es comme « ok, mais t'es faite, là ». Mais c'est vraiment, on la noie, on la sort, on la somme, on la... Mais moi, j'ai trouvé ça incroyable, j'étais contente qu'il la monte pas dans la bande-annonce. On la voit se faire soulever, puis tu dis « elle va se faire garrocher dans ta vie », non? Non, ce moment-là, il est génial, mais ce qui est plate, c'est que les 20 000 personnes par la suite sont enfermées dans une estie de bâtisse, puis il arrive plus jamais rien avec eux. Puis c'est plate parce que je m'attendais à ce qu'il arrive d'autres choses. Sylvain Demantis sur le chat, il me dit un moment qui fonctionne pas, c'est chaque fois que Bryce Dallas Howard ouvre la bouche. c'est là. C'est la l'actrice principale. Price? Ouais. David Michaud dit le deuxième livre est tellement meilleur que le premier est tellement meilleur que le film, tandis que le premier film équivaut très bien le livre. Très d'accord avec toi, David. Ouais, c'est ça. Michel Fafard nous dit ils ont appelé le raptor Blue au lieu de Bravo parce que les raptors sont nommés selon le signalement international. Bravo, Charlie, Delta, Echo. Et ouais. Évidemment, Chris Pratt et Alpha. Ouais. La première scène avec les raptors dans la cage est très très bonne. Ah, c'est incroyable. Parce que, tu sais, quand on voit la bande-annonce, on se dit oh mon Dieu, ça va être une affaire où ce que. Sont domestiqués pis tout. Mais quand cette scène-là se finit, tu fais comme, oh non, il n'y a pas le contrôle, pas en tout, là. Non, pis c'est la ton idée de contrôle, parce que tu dis, s'ils sont domestiqués, ça marche pas. Ben là, à ce moment-là, tu dis, non, ils sont pas domestiqués. Il n'y a aucune mal contrôle. Il y a un respect, mais c'est tout. Ouais. Ils le sont pas à fin, là. Je suis désolée, si Blue le défend, là. Il n'est pas plus domestiqué. Parce que les deux autres l'ont pas vraiment défendu. Non, moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense pas que son Blue il est plus domestiqué à la fin. Moi, je le vois pas comme ça. T'as comme une grosse scène, je suis parti à Harry, j'étais pas trop certain, où que finalement, t'as un des raptors qui regarde Chris Pratt, puis il est comme, ok, finalement, je m'excuse de t'avoir attaqué, puis il mange un coup de roquette dans la gueule, puis il explose. Est-ce que vous avez eu de la peine? Non, j'étais, à ce moment-là, j'étais comme, oh, je sais plus là, ce qui se passe, je sais plus si j'aime ça, là. Ouais, moi aussi, exactement, c'était pas ça. À ce moment-là, j'étais un peu confus. Puis après ça est arrivé la scène avec le genre de van qui se fait poursuivre par les raptors, puis c'était correct. Parce que là, je m'amusais. Mais non, somme toute, ce film-là, là, il mérite pas les critiques qu'on lui donne. Je pense que on est tous, tu sais, tout le monde qui aime le film est au courant de ses défauts. On n'est pas cave, là, on le sait, là. On sait que c'est cave que les dinosaures se parlent. On sait que c'est cave que les punchs de l'Indominus Rex soient si tout le temps poussés que ça. On sait que c'est cave Bryce Dallas Howard. On sait plein d'affaires dans même, mais on s'en fout. On s'en fout parce qu'on a eu vraiment du fun à écouter ce film-là. Et c'est le but principal de Blockbuster, avoir du fun et non d'avoir un film intelligent Pourquoi est-ce que quand je suis allé voir Avengers 2, j'ai eu du fun? Mais quand je suis ressorti d'Avengers 2, là, j'ai pas trippé sur l'histoire, j'ai pas trippé sur le développement des personnages. Hein. J'ai eu du gros fun sale. Je pense que le problème avec Jurassic Park, c'est que le premier était un bon film. Très bon film. Et pas juste un bon blockbuster. Et pas juste un bon blockbuster, exactement. Mais dans les. Mais quand tu repenses aux deux suites, là, on est loin d'avoir la qualité du premier, là. Pourquoi est-ce que tout d'un coup le quatrième devait avoir cette qualité-là, tu sais? Puis, tu sais, si tu le mets dans. Hein? Très bien dit, c'est vrai. Tu sais, puis, quand tu les remets en perspective, là, le quatrième, là, c'est le deuxième meilleur de la série. Mm-hmm. Ben, il répond à mes attentes. Tu pouvais pas avoir Colin Trevorrow qui a réalisé. Safety Not Guaranteed, qui était un très bon film, une très bonne comédie indépendante. Tu peux pas lui demander de réaliser Jurassic Park puis d'avoir un film de la trame de Spielberg. C'est impossible. Puis en plus, si on pense à ce scénario-là, là, ce scénario-là a dû être trimballé de main en main, puis il dit être réécrit, puis réécrit par-dessus, réécrit. Un moment donné, il fallait que ça donne un film, ça a donné ça. Ben, la première version du scénario, c'était supposé justement être les dinosaures qui étaient des soldats avec des lasers sur le dos. Ouais. Puis le monde a craché là-dessus, fait qu'ils ont décidé de le modifier. Ben oui, puis tu sais, puis il y en a eu plein d'autres versions, je suis sûr. Puis finalement, ça a donné cette version-là. Puis moi, là, si après tout ce temps-là, puis après tout ce charabia-là, puis ce virage de bord-là, c'est ce que ça a donné, ben chapeau, parce qu'ils s'en sont très bien sortis. Ouais, moi aussi, ouais. Je trouve. Ouais. Tu sais, Colin Trevorrow a jamais réalisé une scène d'action de sa vie. Bon, en tout cas, peut-être ailleurs, mais tu sais, je veux dire, il a pas réalisé de scène d'action dans Safety Not Guaranteed ou peu importe ce que j'ai pu voir dans sa filmographie. Puis là, il faut qu'il réalise des scènes d'action avec du CGI de fou. Ben, bravo, champion. Moi, à part la scène des pterodactyles, comme je disais dans ma vidéo, que je trouvais qu'elle était trop filmée, caméra épaule, puis sachez qu'elle est trop. Puis des fois, il y avait de la misère à bien cadrer, puis à bien stabiliser son affaire. Il a fait une bonne job, tu sais. Dans le sens que moi, j'aurais voulu que l'affrontement final, la caméra soit plus stable, puis qu'elle prenne plus la peine de nous montrer les trucs plutôt que de se promener, tu sais. Oui, mais ça, c'était pas un exemple aussi de. Voyons, le réalisateur-producteur des Transformers, là. Michael Bay. Ouais. Ah, ben, Michael Bay, c'est comme ça qu'il filme, puis il y a peut-être l'influence aussi, tu sais, à Mané, tu te dis, lui, il fait des gros blockbusters d'action, ça pogne, c'est le même qu'il fait, beaucoup de shaky cam, ben, tu sais, il y a de l'influence aussi, là. Puis, ça reste que le film a son message à passer, puis son message transparaît dans le film, parce qu'il n'y a comme pas le choix, et je pense que c'est là qu'on s'en va. Y a-t-il quelqu'un qui peut résumer le message du film? On pourrait laisser GF depuis tout à l'heure qui est silencieux. Ouais, vas-y GF. Est-ce qu'il est encore capable de parler? Oui, c'est parce que j'ai tellement de questions, tellement d'affaires en tête. Vas-y. Ça prendrait une autre demi-heure, puis j'ai ma vessie qui va exploser. Là. Va aux toilettes. Non, en fait, première chose, en fait, je voulais vous demander, puis je vais passer pour un gros idiot, mais... Vas-y. C'est quoi la scène de divorce dont vous parliez au début? Tu l'as manqué? La scène dans le train, quand ils arrivent, l'espèce de petit wagon, à un moment donné, les deux jeunes vont mentionner, le plus jeune va mentionner que ses parents sont sur le bord de se séparer, qu'il a vu les papiers, puis qu'il en avait entendu parler. Mais c'est en fait cette scène-là qu'on parle, qu'on trouvait que c'était complètement inutile. Puis c'est là pour entraîner un gros build-up pour plus tard, une réconciliation entre les deux frères. Puis tu le disais, Vicky, t'as le frère qui est pas heureux d'être au parc, l'autre qui est heureux, puis ça représente le spectateur, puis tout ça. Je comprends ton point de vue, mais en même temps, moi, je trouvais que c'était juste un putain de build-up inutile pour réconcilier deux frères qui ont de la misère à s'entendre. Mais ils ont pas de la misère à s'entendre. C'est ça, l'affaire. Excuse-moi, là, mais mets-moi avec ma soeur ou mets-moi avec mon frère, puis je suis désolé, mais on se bouffe bien plus en face que ça, là. Ben, tu sais, ils ont de la misère à s'entendre comme deux ados de stage, là. Ben, moi, je l'ai dit dans mon vidéo, c'est les deux jeunes les plus intéressants de toute la série de films, je trouve. Je préfère les premiers. Je préfère les premiers aussi parce qu'ils sont utiles à l'histoire. Rien. Ils sont utiles à l'histoire. Ouais. Ils sont plus intéressants. La petite fille, en tout cas, moi, fait quelque chose. Puis le petit gars, ben. C'est sûr que la petite fille dans le deuxième a fait de la gymnastique, hein, fait qu'elle peut échapper dans le temps. Simonac, non, ouais, mais non, là, c'est, de... Ça, c'est pas correct. Tu parles de la pire scène du 2 alors que le film vaut mieux que cette scène-là. Puis dans le troisième, le petit Flo, il est débrouillard aussi. Il survit 8 ouais, semaines. Ouais, il est juste un petit peu trop débrouillard. Ouais, 8 semaines, c'est parce que la production, ils ont mis de la nourriture dans son emplacement. C'est juste pour ça. Ils ont mis 2 mois de nourriture plus de la piste de T-Rex. Mais en tout cas, ça, ce qu'on voulait en venir, c'est ça. C'est que l'idée, c'est que le public demande toujours plus d'effets spéciaux, plus gros, plus de d'affaires spectaculaires. Puis c'est ça que le film veut nous montrer, en fait, c'est que dans le parc jurassique, c'est que les gens qui viennent visiter sont plus vraiment intéressés par les dinosaures ordinaires, tu sais, si on veut. C'est pour ça qu'ils ont créé un dinosaure hybride. Puis c'est un peu le message du film, c'est la critique un peu que le public n'est jamais vraiment content de ce qu'on y donne, tu sais, puis il en veut tout le temps plus. Qu'un long cou, c'est pareil à un éléphant, puis que les bébés dinosaures, c'est comme la mini-ferme au zoo. C'est ça. Ah, oh, ça, c'était bizarre, cette scène-là. Ouais, mais c'était représentatif du message. Oui, mais moi, tu vois, la mini-ferme, ça, je l'aurais faite avec des animatroniques. Oui, c'est vrai. Même la scène de l'œuf, ils l'ont faite dans le premier. C'est un animatronique qui sort de l'œuf, le Vélociraptor. Dans celui-là, la scène d'ouverture, c'est ça, puis c'est un raptor en CGI qui brise l'œuf. Tu sais, je veux dire, t'aurais pu prendre un peu de ton temps pour offrir quelque chose de plus naturel qu'un CGI. Là. Mais ouais, là, ben, JF, c'est ça. Puis, dans le fond, ils vont créer le gros Indominus Rex pour attirer le public. Finalement, ça va mal tourner. Est-ce que c'est une façon de nous dire que vous voulez des films toujours plus wow, toujours plus gros, toujours plus impressionnants? Ben, ça va mal tourner. Puis à la fin, ce qui va gagner, c'est une bonne vieille façon de faire. Parce que à la fin, ce qui gagne, c'est le old style. C'est nos bons vieux chummies du premier. C'est le T-Rex. Puis le T-Rex, c'est le même que dans le premier. Ah, le plan final, ça veut tout dire, là, quand tu vois le T-Rex en train de... Mais vous saviez que le T-Rex, c'est le même que dans le premier film? Ben, le même qu'il se faisait, c'est le même T-Rex. C'est le même T-Rex. Il y a les cicatrices. Si vous remarquez les cicatrices que le T-Rex... Ils ont pris le même acteur? Oui, ils ont pris le même acteur. T'avais demandé cher! Câlisse! Après avoir joué dans Carnosaur, il a fait comme « Hey, là, regardez, là! » Sa carrière a chuté, puis ça, c'est un gros comeback. Non, il a changé d'agent? Oui, vraiment. Mais c'est le même T-Rex. Il a les cicatrices aux mêmes endroits que les raptors l'ont attaqué dans le premier film. Ok, non, honnêtement, je ne l'avais pas remarqué. Oui, puis c'est pour ça qu'il est comme un petit peu plus lent, un petit peu plus... Il y a 20 ans, ce T-Rex-là. Ça fait 20 ans qu'il est sur l'île. C'est complètement fou. Fait que c'est ce T-Rex-là, c'est celui du premier qui a sauvé la gang du premier qui revient à la fin. Fait que c'est comme de dire, oui, on a fait plus gros, tout, mais qui est-ce qui va gagner? L'original. L'original! Que vous allez pareil apprécier la nouveauté, mais vous allez préférer le vieux. Dans ta face, man! Mais en fait, la question qu'on s'est posée au dernier moment, des dernières minutes de ce podcast, c'était, est-ce que le cinéma n'est pas rendu là? Est-ce que les spectateurs ne sont pas toujours rendus à demander plus gros, plus vrai, plus ci, plus intense? Puis moi, quand Steve a posé la question cette semaine pour qu'on en parle, moi, tout de suite, je me suis souvenue qu'il y a une page Facebook, un groupe Facebook, mais je ne sais pas si c'est le groupe français ou le groupe québécois, sur les fans d'horreur, que maintenant, ils chassent les gens qui s'inscrivent au groupe pour dire « Conseille-moi un film d'horreur full gore, full ci, full ça. » C'est les Français. Je suis plus capable. J'ai débarqué de la gang. Ouais, moi aussi. Mais moi, j'en ai deux. Il y en a un que j'ai débarqué parce qu'il était vraiment sexiste et ça me mettait mal à l'aise. Là. Pour vrai, moi, ils m'ont déjà appelé Bibiche. Là. Donc, un coup qu'un Français m'a appelé Bibiche, t'es jamais assez loin pour manger un coup de pied dans le cul. Fait que mais l'autre groupe, je l'ai gardé. Puis c'était vraiment, ils ont dit « Regardez, arrêtez de, comme pause, mettre... Conseillez-moi un film full gore, je veux un bon film d'horreur. » Puis on dirait que c'est jamais assez. C'est, je trouvais que c'était le même lien que j'ai fait, c'est qu'on dirait que les gens sont comme, « Moi, j'ai vu tel film, puis c'est jamais assez. » Mais à un moment donné, qu'est-ce qui est assez? Ouais, c'est que, tu sais, là, on regarde, on est des amateurs d'horreur, on est des amateurs de sensations fortes dans l'horreur. Moi, là, si j'ai vu une scène de tuage d'enfants dans Who Can Kill a Child, OK? Mm-hmm. Bon, j'ai vu un gars qui mitraillait des enfants. Est-ce que la prochaine fois que dans un film, je vais voir un enfant mourir, je vais faire comme, ouais, ben, dans aucun cul de child, là, il a mitraillé 20 enfants. Fait que, c'est pas si hot que ça. Non! Tu sais, je veux dire, c'est pas ma tolérance à chaque film fait pas comme, ah, oh, non, à cette heure, ça, c'est mon nouveau top. Ah, oh, ça, à cette heure, c'est mon nouveau top. Non, chaque film, là, on le prend pour ce qui est. C'est parce qu'on n'est pas supposé le voir une fois puis se dire « Ok, on l'a déjà vu, ça n'a plus d'impact. » C'est ça! Tu sais, pourquoi? Tu sais, le film n'a pas décidé d'aller jusque-là. So what? Il n'a pas décidé d'aller jusque-là, c'est pas un défaut. Tu sais, il n'a pas décidé d'aller jusqu'au top du top. Mais s'il a décidé d'aller à un certain lieu, c'est peut-être une bonne décision. Est-ce que c'est une mauvaise décision? Chaque film est indépendant de ça, tu sais. On ne devient pas insensible parce qu'on a vu, je sais pas, tu sais, je veux dire, sinon, on aurait vu Marty, on aurait vu Inside, puis il n'y aurait plus rien qui nous impressionnerait. Non? Non, exactement. C'est dans la manière de l'aborder. C'est juste ça. Là. Puis, il faut, tu sais, je me dis tout le temps, il faut faire une distinction entre blockbuster puis film indépendant, tu sais. Moi, ce qui m'énerve dans ce genre de discours-là, là, du monde qui font comme, ouais, mais Hollywood, là, moi, je suis tanné de le film, là, Hollywood, là. Hollywood, là, ils sont tout le temps en train de faire des films, là, tout le temps plus gros, tout le temps. Ouais, mais dans la vie, là, il n'y a pas juste Hollywood. Quand t'écoutes la radio, là, tu dis-tu, ouais, ben la musique aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Non, parce que tu sais qu'il y a d'autres musiques que ce qui passe à la radio. Ben, dans la vie, il y a d'autres films que ce qui passe au cinéma puis que ce qu'il y a dans les clubs vidéo. Tu sais? C'est aussi niaiseux que ça. C'est ça. Si tu as envie d'un cinéma original qui va t'amener un vent de fraîcheur, tu vas vers le cinéma indépendant. Tu as envie de mettre ton cerveau à off, puis avoir du fun, puis retrouver du cinéma de divertissement, tu vas avoir un blockbuster, puis ça fait la job de temps que ça dure, puis c'est tout, tu n'as pas besoin de plus. Ben oui, puis c'est pas un défaut du film, tu sais, c'est pas parce que le film a décidé d'être un blockbuster, puis qu'il a décidé de t'en mettre plein la vue que c'est imbécile, puis que t'es un imbécile d'aimer ça, tu sais. C'est qu'à ce moment-là, c'est ça que ça te plaisait, puis c'est ça que ça te prenait, tu sais. Si t'avais le goût de te faire questionner, ben va écouter Resolution, tu sais. Mais ben, Resolution, tu trouveras pas au club vidéo, puis tu le verras pas au cinéma. Puis c'est pas Hollywood, Resolution, tu sais. Mais, puis, tu sais, le monde a tendance à pas voir plus loin que ce que Hollywood puis ce que le club vidéo ou Netflix leur offre. Non, mais ça va au-delà de ça, Sam. Parce que ce que tu dis, c'est totalement vrai. Là, je ne vais pas le contredire. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui disent « je veux du gore », je veux dire, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont passé à côté du petit film indie secret que personne n'a vu puis finalement, c'est de la bombe. Puis là, ils écoutent plein de trucs comme indépendants en s'attendant que hey, personne n'en parle, mais ça doit être de la bombe. Finalement, il y a de quoi de mauvais dans l'eau puis ça chiale que tout est mauvais. Mais non, c'est juste que c'est pas le trouver, mais ça veut pas dire que c'est de la bombe à chaque fois. Puis c'est pas parce que c'est indie que ça va être spectaculaire non plus. Ça peut être indie puis mollo, là. De toute façon, en même temps, ce monde-là qui demande ça, là, conseillez-moi le truc le plus gore que vous avez vu ou peu importe. Est-ce que tu veux juste vraiment voir un vrai bon film ou tu veux juste voir des images choquantes qui sortent de nulle part puis que c'est pas ton véritable vie? Parce que, tu sais, je veux dire. Va écouter des vidéos prises lors de la Deuxième Guerre mondiale puis tu vas les avoir. Ben oui, tu sais, va voir les Faces of Death puis va voir. Un Serbian film, puis il va voir... Cette affaire-là, puis tu sais, c'est la même chose quand je travaillais au club vidéo, puis il y avait du monde qui faisait « Là, conseille-moi ton film d'horreur le plus épeurant. » Tu fais « Ben, regarde! » Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Puis qu'est-ce qui te plaît? Puis qu'est-ce que t'aimes? Tu sais, il n'y a pas... Le film d'horreur le plus épeurant, là, il n'existe pas. Bon! Tu sais, c'est différent pour tout le monde. Ben, c'est ça. Je voulais juste m'intégrer un peu à la discussion en disant que... Oui, c'est un peu de tu sais, tout le monde essaie de se justifier par rapport aux autres. Je veux dire, moi quand j'aime un film ou que je l'aime pas, je l'assume, là, tu sais, c'est comme... je l'aime ou je l'aime pas. Là, et puis, je me pose pas d'autres questions, là, tu sais, je veux dire, j'ai mes raisons, puis c'est les miennes, puis c'est tout. Je veux dire... j'ai pas besoin de le justifier tant que ça. Là. Je peux, on peut en parler durant le podcast, mais à part ça, c'est mon choix à moi. Puis je veux dire, moi, mon film le plus épeurant au monde, ça va être différent de celui à Steven, celui à Vicky, celui à Seb. Puis, ben oui! Moi, ce qui me fait freaker dans la vie, c'est le sentiment que tout le monde autour est contre toi. Fait que moi, là, Invasion of the Body Snatchers, là, ça me fout la chienne, tu sais. Mais il y en a d'autres qui ont fait comme moi, mais c'est juste du monde qui crie. Ben, tu sais, ben, pour toi, c'est juste du monde qui crie, tu sais. Moi, des vampires, ça me fait pas peur. Mais il y en a pour qui des vampires, c'est la chose la plus fréquente au monde, tu sais. Ouais. On a la friconne sur notre chat qui nous dit quelque chose de bon. Il dit, moi, ce qui me gosse, c'est le monde qui critique un film en se disant que, vu qu'il aurait réagi différemment dans une situation, le film est pas bon. Ouais. Donc, comme j'ai jamais connu quelqu'un comme ça, ben, ça se peut pas. Ouais, je comprends. Ben, la fille, elle est montée au deuxième étage, fait que c'est juste une merde. Tu sais, qui dit, toi, dans une situation comme ça, que t'as pas le temps de réfléchir, c'est un événement qui arrive, puis t'es sur le bout de ton siège, t'es à bout de nerfs. Tu sais, qui dit que tu vas pas prendre une décision stupide puis monter au deuxième étage? Ouais. C'est la même chose que de dire, moi, j'aime pas les... Moi, je suis pas attiré par les hommes, fait que les hommes qui sont attirés par les hommes, c'est des cons. Ça a juste pas rapport de mettre. Oh, ça, c'est un bon lien à notre journée de l'amour. Ouais. Tu sais, la grande critique, tantôt, je disais, je voulais pas la faire parce que, elle joue sur deux plans. La grande critique de Jurassic World, tu sais, la fille, elle garde ses talons hauts tout le long du film. Puis, tu sais, elle dit, oui. À un moment donné, elle dit, pourquoi pas me suivre avec ses talons-là? Puis, elle se fait une couette, puis elle ferme sa chemise, puis elle dit, OK, go, mais elle les garde, ses talons hauts. Tout le monde est comme, c'est con, puis elle se poursuit par un T-Rex, puis elle court avec talons hauts. Moi, tout, j'étais là, OK, je serais jamais capable de courir avec mes talons hauts. Après, elle se poursuit par un T-Rex. Mais en même temps, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse d'autre? Qu'elle soit nu-pied? Non, mais c'est parce qu'en plus, tu sais, à ce moment-là, là, le film l'assume. Tu sais, il fait même pas comme... C'est même pas comme, ah ouais, mais elle court avec ses talons hauts. Non, de un, il le dit, et de deux, ils te font un gros plan, ses talons hauts. Après ça, elle dit... Le film est clairement conscient. Oui, puis elle dit, fuck, je me foulerai une cheville. Tu sais, c'est vraiment ça, parce que tu veux qu'elle fasse quoi? Elle peut pas garder dans ses mains, je vais courir avec mes talons dans mes mains. T'sais, elle peut pas les garder dans ses mains. Elle peut pas les enlever parce qu'elle a pas suivi de rechange. On s'entend-tu que Chris Pratt doit pas avoir sa grandeur de pointure dans sa caravane? Fait que tu te dis, elle peut faire quoi? Elle peut pas les enlever. C'est certain qu'elle a pas des running cachés dans son Jeep. Elle est pognée avec. Mais ce qu'elle fait, c'est... Elle n'ira pas marcher nu dans la jungle. C'est ça. Fait que ce qu'elle fait, c'est elle attend sa chemise, puis elle dit, je l'assume. Puis elle est comme, moi, mais tu vas être quand même prêt avec. Puis elle est comme, mais gars, fuck you, c'est mon problème. C'est mon problème, crisse-moi à peine, t'sais. Puis moi, c'est ça que je l'ai vu de même, c'est comme arrêter de dire elle a la conne en talons hauts. Hostie, elle travaille pas à courir dans le jungle à tous les jours. Elle travaille dans un poste où, justement, le look est important. Fait que les talons hauts, c'est nécessaire dans son travail. Voilà. Puis, tu sais, si c'est le seul truc que t'as à chialer sur le film, là, ben c'est qu'il est pas si pire que ça. Ben oui! C'est quand c'est rendu, tu vas chercher des petits détails, là. Tabarouette, les souliers, là. Ouais, puis... C'est tout le temps l'idée que le film l'a assumé. Je me dis, si le film, il a pris la peine de mettre une réplique, puis il a pris la peine de nous mettre le gros plan, là, c'est que le film, il fait comme, checkez-la. Checkez-la, là. Ben, c'est bon, pourquoi être des souliers, checkez-la. Parce que justement, moi, ça m'a fait penser, les Ninja Turtles qui est sorti l'été passé, avec Megan Fox, justement, Megan Fox fait toute la mauve maudite affaire, mais elle s'attache jamais les cheveux, puis elle a ça d'épais de gloss. Mais demande à n'importe quelle fille qui a full de gloss, un coup de vent, tous tes cheveux collent dessus. Tout le monde. Tous tes cheveux sont pris dans ton gloss, puis elle, a fini, là, tu sais, dans les Ninja Turtles, là, ça finit qu'il y a une tour qui tombe, puis elle est elle tombe en bas de la tour. Elle a les cheveux lousses, elle a ça d'épais de gloss, puis elle sort, puis super fraîche, toi, fraîche comme une rose. Mais à un moment donné, j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner un élastique à cheveux. Mais ça me semble qu'à un moment donné, tu plus voir clair. Mais ça, tu vois, pour moi, ça me gosse plus parce qu'on a comme l'impression que la fille doit quasiment comme une poupée Barbie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, à coup que la situation d'action est terminée, tout va être droit. Elle n'a pas aucun pli de travers. Tu sais, elle a une chemise puis un T-shirt. Enlève-moi ça, cette chemise-là. C'est sûr que ta petite veste de cuirette, man, elle t'empêche de lever les yeux, les bras bien dans les airs. Enlève-moi ça puis reste en T-shirt. Puis moi, je trouvais que justement, le fait qu'elle attache sa chemise, c'est comme, regardez, là, je suis pris, je t'habille de même, là. M'a l'assumé, puis on va vivre avec. Alors que dans bien des films, les filles ont l'air vraiment ridicules. Moi, je porterais leur linge, puis je serais pas confortable pour courir ou sauter. Ou... Tu sais, des fois, là, ils ont des petits talons puis ils sautent d'un building à l'autre comme si c'était normal. Non, c'est pas normal. Tu sais, je sais pas, je trouvais pas que c'était un défaut. De toute façon, quand tu vas voir un groupe de busters, comment tu peux te mettre en mode je vais analyser puis checker qu'est-ce qui est réaliste puis qu'est-ce qui l'est pas? C'est un blockbuster, t'es pas là pour analyser, ouais, c'est juste là pour t'évader. C'est pas réaliste, je sais pas que c'est des dinosaures, veut pas, ça existe pas. Le Dr. Wu l'a dit, je l'ai dit dans mon vidéo, le Dr. Wu l'a dit, les dinosaures ont été recréés avec l'ADN d'amphibiens, je veux dire, ils sont pas réalistes, les dinosaures. Il y a aucun, il dit là, vous vouliez pas des dinosaures, parce que ce que vous a donné, c'est pas des dinosaures. Vous voulez des freaks, vous voulez des monstres de foire, des monstres qui font peur, tu sais. Ouais, mais ils ont une conscience. Ouais. Je m'en vais dans une autre direction, puis vous en avez peut-être parlé pendant que j'étais à la toilette. Je veux dire, il y a quelque chose qui m'énerve, moi, c'est que dans les différentes critiques du film, c'est que les gens disent « J'ai hâte qu'on s'en aille du parc, puis qu'on lâche un peu cette thématique-là, puis qu'on dans le prochain film, ça ne soit plus dans le parc. » Mais c'est parce que moi, c'est comme... Ouais, j'ai entendu ça dans le podcast Point de vue récemment, puis dans d'autres... J'ai entendu ça en Point de vue. C'est parce que c'est comme... Mais c'est la première fois qu'on est dans le parc. C'est la première fois qu'on est dans le parc. On n'a jamais été dans le parc qui était achalandé. Jamais. Le parc n'a jamais été ouvert avant ce film-là. Hey, ça a pris le quatrième film pour que le parc soit enfin ouvert. C'est ça, j'ai envie de dire aux gens. La tagline du film, c'est The Park is Open. Enfin, c'est ça. Avez-vous vu les autres films? C'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Moi, je pense que ça, c'est que les gens ils ont oublié que dans les autres films, le 2 et le 3 se passent sur un autre île. Ouais, c'est oui, ça. Oui, c'est la Sorna. Oui, je sais le nom de l'île. Mais là, c'est le Nubar. Ouais. C'est ça. C'est la première fois, je trouvais ça cool, moi, première fois de voir le parc. T'sais. Vous en avez parlé au début, est-ce que c'était cool de voir le parc? Oui, c'était cool. T'sais. J'aurais voulu voir plus de dinosaures, mais moins voir de commerce, comme ça avait dit. Ouais, c'est ça. J'avais l'impression d'être... Êtes-vous déjà allé à Walt Disney World? Mais en même temps, c'est le propos du film, t'sais, le côté du sponsorship. Quand on rentre à Walt Disney World, là, tout le début de Walt Disney... Là, ce n'est que du commerce du restaurant, puis c'est vraiment long avant d'arriver au manège. Mmh. Quand j'ai vu le Jurassic World, puis ça, je pense que ma déception, ça a été moins un peu. C'est quand j'ai vu Jurassic World, j'ai vu le parc là, à travers la chambre d'hôtel, puis que j'ai vu que c'était juste des cabanes, des restaurants, des magasins, j'ai fait « Oh non, Jurassic World, c'est Walt Disney ». Ouais. c'est Universal Studio. C'est SeaWorld. C'est toutes ces mardes-là. Maryland. Puis ça, là, ça a été un esti de bon move parce que ils se sont vraiment posé la question, OK, si jamais il y a un Jurassic Park, là, ce sera pas le parc qu'on a vu dans le premier. Dans le premier, le parc était comme l'idéal. À air ouverte. C'était, pour ceux qui viennent du Saguenay, là, c'était les sentiers de la nature aux autres Saint-Félicien. Hein? Parce qu'aux autres Saint-Félicien, ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a une section qui s'appelle les sentiers de la nature. Tu te promènes dans un train qui est une cage. Et tous les animaux sont en liberté à air ouverte. Ben, à Sherbrooke, on est loin du Saguenay, fait que pour nous, c'est un mythe. Ça a l'air que... Ça a l'air que, à quelque part... On est du parc safari, hein, fait que tu sais, tu peux te promener en cage, puis à un moment donné, il y a un ours à côté de toi, tu sais. Tu sais, puis il y a un orignal à 2 pouces de ta face. Puis le premier Jurassic Park, c'était ça qui te donnait comme feeling. Ouais. Tu sais, c'était merveilleux. Puis là, t'arrives à Jurassic World, puis tu fais comme, non. Quand tu vas voir le tyrannosaure, là, ben, c'est comme quand tu vas voir l'orque à SeaWorld. C'est Maryland, c'est la même chose. Mais en bout de ligne, c'est ça. Je suis sûr que tu pourrais prendre la bande-annonce de Jurassic World au moment avec le parc, puis le requin blanc, puis tout ça, puis mettre la toune. Tout le monde aime Maryland. Ça fonctionne. Oh, belle, c'est parfait. Ouais, mais c'est voulu de même, là. C'est voulu, c'est pour dire à quel point... Tu sais, on le disait tantôt que les gens ont amalgamé animaux de cirque et dinosaures. Fait que c'est ça l'idée de Maryland, c'est voulu pour que les gens disent hey, c'est comme un orque, mais c'est un putain de gros dinosaure. Nous, on est impressionnés, mais les gens, là, ils trouvent ça juste drôle d'être tout mouillés. Eux, ce qu'ils trouvent drôle, c'est d'être tout mouillés. T'sais, c'est ça le but, c'est de montrer à quel point les gens sont blasés. Tout le monde c'est est blasé. Hein. Ils trippaient pas sur le fait qu'ils mangeaient un requin, c'est comme il a jumpé. Non, mais je pense que c'est je pense que chaque zoo, chaque parc cherche aussi sa nouvelle attraction à tout bout de champ. T'sais, ça fait 10 ans qu'il existe Jurassic World dans le film. Ça fait 10 ans qu'il est ouvert, puis tu sais ça, ils cherchent leur nouvelle attraction mais à tout bout de champ. Tellement parce ça, que anecdote là, quand je suis allée voir Jurassic World, puis comme la semaine suivante, le zoo de Granby annonçait une nouvelle attraction pour les singes, je sais pas quoi, pour cette année, puis j'étais comme, mais c'est vrai, l'an passé c'était les pandas, cette année c'est les singes. C'est tout le temps, oui. Une espèce de nouvelle attraction poche. Le zoo bon. Saint-Félicien, ici, c'est ça aussi. Le nouveau panda, le nouveau aussi, le nouveau ça. Nous avons les animaux de la Boréalie. Donc, oui. C'est des animaux de l'Amérique du Nord. Et tout d'un coup, c'est nous avons des singes. Nous avons des tigres. Là, tu fais comme, OK, là, vous avez débarqué parce que le monde était écœuré de voir des agneaux, là, tu sais. Fait que là, le monde sont écœurés de voir des dinosaures, fait qu'ils en ont créé un nom. C'est ça. Hey, mais le dinosaure, là, le trouvez-vous épeurant, puis... Moi, j'ai trouvé qu'il manquait de punch au début. Ça a pris du temps avant que je le trouve hot. Là, rappelez-vous, ça a été un défaut du film. Puis si vous me demandez ce qui fonctionne le moins, c'est peut-être ça. Je parlais de la scène des ptérodactyles, mais je pense que c'est celle-là. Rappelez-vous le reveal du tyrannosaure dans le premier. Oui. C'était complètement majestueux. Il pétait la... Tu sais, là, on avait la chèvre qui volait sur le char. Puis après ça, on avait juste la griffe qui pétait les câbles un par un. Et t'as oublié le plus important. Le quoi? Le verre d'eau. Puis après ça, t'avais la griffe qui pétait les câbles. Puis après ça, il avançait devant les chars. Puis il faisait juste un... C'est quoi le reveal de l'Indominus Rex? Ben, c'est juste qu'on pense qu'il est plus dans la place puis il sort de nulle part. Ben voilà! L'Indominus Rex, là, son reveal, là, c'est une caméra point de vue de l'Indominus Rex qui court après quelqu'un. Mais en même temps, il veut juste c'est pas vrai. Nous montrer tout de suite. Ben non, c'est à ce moment-là qu'il fallait qu'il nous le montre, il fallait qu'il nous fasse un genre de... Désolée là, mais ok, vous allez rire de moi, mais moi je me suis identifiée au mangeur de sandwich, au gardien mangeur de sandwich. Quand le gardien mangeur de sandwich il court, il y a de la misère, puis je suis comme tu vas le faire bouffer. Puis il se cache en arrière de char, puis je suis comme oh fille, il arrive, puis il torse le char, puis il bouffe, je suis comme je me suis fait manger. Non, moi à ce moment-là j'étais comme non, on l'a pas encore vu ton dinosaure, j'ai pas peur. Ah non. Moi, à partir du moment où on est rentré dans la pièce puis bouffé un sandwich, j'étais là, mais c'est toi qui vas se faire bouffer dans pas long. Je l'ai senti, tu sais, qu'il bouffait un sandwich pour qu'il ait l'air innocent parce qu'on le sait qu'il va se faire bouffer. Puis j'étais comme, oh non, toi, j'ai tellement de la peine. Mais moi, j'ai été vraiment satisfaite, en tout cas, par Jurassic World. Je trouve que, tu sais, souvent, puis ça a été un de mes premiers textes sur l'horreur gamer, c'est que je me demande à ce quoi les gens s'attendent quand ils sortent déçus d'un film. Parce que souvent, c'est comme, ah, oh, c'est pas ça, je m'attendais, mais tu t'attendais à quoi? Puis ils disent, ah, oh, à plus de ou à moins de, mais tu dis, ouais, mais ça marche pas, tu sais. À un moment donné, je pense que c'est ça le problème souvent. T'sais, tu peux avoir des attentes comme moi, on parlait de It Follows tantôt, j'ai eu des attentes, j'ai été relativement déçue. Mais Jurassic World, je trouve, tu t'attendais à quoi de plus ou à quoi de moins ou à quoi de différent? Je trouve qu'à un moment donné. Ben, c'est difficile à savoir, on a toutes nos attentes qui sont bien différentes. C'est un dinosaure qui mange du monde, à un moment donné. Mais c'est ça! Non, mais tu sais, tu comprends, Steven, je comprends qu'on a tous nos attentes. Mais à un moment donné, il y a des films où on se dit « je m'attendais à autre chose », puis tu dis « t'attendais à quoi? » Mais la personne n'est pas capable de répondre vraiment, tu sais, c'est juste... En même temps, on peut pas être dans ta tête, tu sais, faut que t'acceptes ce que tu vois à l'écran aussi, là. Non, ouais, je comprends. Mais c'est ça, faut pas trop se prendre au sérieux non plus. C'est un film de dinosaures qui mange du monde, à un moment donné. C'est juste du gros fun. Moi, je suis d'accord avec Seb que c'est le deuxième meilleur film de la série. Là. Ouais, puis je voyais des articles qui disaient c'est un film qui chiale contre Hollywood, mais il fait les mêmes erreurs. Ben, oui puis non. Tu sais, il a fait ce qu'il avait à faire. Il nous a donné la. Il a livré la marchandise, puis la preuve, c'est que le monde l'aime. Tu sais. Peut-être que dans 10 ans, on ne s'en rappellera pas autant que Jurassic Park 1, mais c'est pas grave. Sur le coup, c'était le fun. Ben, le premier, c'est ça, il était révolutionnaire à cause de ses effets spéciaux. Les trois autres, le 2, le 3 et le 4, n'ont pas ça, ont pas cette qualité-là. Puis, ils ne marqueront pas l'histoire du cinéma pour ça. T'sais. Ben non! Pour rien d'autre non plus. Pas pour l'acting, pas pour le scénario ou quoi que ce soit. T'sais. Ben non! T'sais, mais t'sais, ça reste t'sais, un film le fun. T'avais Sam Neill, t'avais Richard Attenborough, puis t'avais... Laura Dern. Jeff Goldblum, puis Laura Dern. Ouais. Oui, là, t'as Chris Pratt. Qui est très efficace. Oui, mais... que j'ai trouvé meilleur que dans Guardians of the Galaxy. J'ai trouvé plus subtil, j'ai trouvé moins enfantin. Peut-être mieux dirigé aussi. Ouais. Mais tu sais, moi, mettons, demain, un sous-titre, un faux sous-titre à Jurassic World, ça serait, mettons, Jurassic World 2. Welcome to Nostalgia Land. Fait que, tu sais, dans un sens, ce film-là vient réveiller notre fibre nostalgique. Je l'ai dit au tout début de ma critique. Le petit garçon, dans sa chambre, il y a des faux dinosaures, il y a des lunettes, tu sais, les trucs oranges qu'on avait, puis qu'on faisait juste skipper, là. Ouais, le Viewmaster, oui. Ouais. Bon, mais c'est ça. Puis, tu sais, je trouve que c'est ça, ce film-là vient réveiller notre fibre nostalgique des gens qui ont aimé. Fait que, est-ce qu'on va l'écouter 20 ans plus tard? Peut-être oui. Pas, parce que 20 ans plus tard, on sera pas nostalgique de Jurassic Park comme nous, on l'est. Mais dans sa chambre, il n'y a pas d'admirateur secret dans sa chambre. Non! Il n'y a pas d'admirateur secret. Admirateur secret. Non, mais c'est parce que je pense que Jeff, tu fais référence au truc sur Twitter. Oui. parce qu'il y a un gars sur Twitter qui me dit « Hey, il y a quelqu'un qui te fixe derrière toi. Il a l'air bizarre, il ne bouge pas, il te fixe intensément. » Qui serait derrière moi, tu sais. Fait que je réponds, ouais, il y en a qui ont des chats, des chiens, moi j'ai un stalker. J'ai un admirateur secret en permanence dans mon dos. Attends, tu l'as pas dit comme faux, tu l'as pas dit comme faux. J'ai un admirateur secret. Et voilà. Et voilà, fallait dire. Non, j'avais pas vu, je viens de le lire, mais j'avais pas vu, non. Ouais, c'est Twitter, j'ai un admirateur. Là-dessus, je pense qu'on va terminer, les gars. Pour te faire des films, qu'est-ce qui s'enligne? Qu'est-ce qui s'en ligne? Veux-tu nous en parler, Steven? Non, voici, t'as pratiquement pas parlé sur Jurassic World. Prochain épisode, hommage à Chow Yun-Fat. On parle de The Killers de John Woo, puis du film Dragon Ball Evolution. Oh! Oui, oui. Chow Yun-Fat, il joue dedans. Ouais, c'est lui qui joue la tortue. Oh, man. C'est j'ai vu ni l'un ni l'autre, fait que je serais curieux. Oh, on a fait un épisode aujourd'hui, un épisode live, qui est sur YouTube, puis aussi sur notre site, bras-de-fer-des-films.com, puis en podcast. Fait que ça, c'est aller voir. Et Vicky? Ben là, j'ai enregistré justement mon projet. J'ai fini d'enregistrer mon projet sur The Shining. Je l'ai complété. Ça fait genre 1h20 de moi qui parle tout le long. Fait qu'il faut vraiment être fan. Wow. il va être éventuellement sur... Excuse-moi? Est-ce que c'est vidéo? Non, c'est audio. Non, OK. Ah, ben, elle se filme jamais. Éventuellement, j'ai un projet de vlog plus vidéo éventuellement, mais je suis en train de le monter, fait que ça peut être long. Tandis que The Shining, c'est parce que je l'envoie à radio, j'en parle durant le podcast justement, que c'est vraiment pour la radio communautaire qui me l'ont commandé en même temps, fait que je l'ai gardé audio. Puis celui-là, ben il va être disponible sur, j'ai mis du gras partout sur mon écran, donc écrangras.podbean.com. Et toi, c'est moi dans... dis-nous pas une date, là, parce que gars, les attentes, ça fait chier. Je peux vous dire, par exemple, que j'ai un nouveau thème musical pour Fun de regarder des films. Il a été composé la semaine dernière et j'en suis très content. Donc, les choses avancent. Et, mais ça, ce que vous savez pas, là, c'est que présentement, là, ça va être mon nouveau décor de Fun de regarder des films. C'est que juste qu'il manque des posters puis il manque un peu de vivant derrière, mais ça va être ici que ça va se tourner. C'est très plat, c'est très plat. Ceux qui écoutent le podcast en différé, c'est que c'est juste un mur blanc avec un divan bleu. Donc, mais non, il va y avoir du truc en arrière, puis j'ai très très hâte. Mais bon, tout ça pour dire que c'est la fin de cet épisode. Pierre n'était pas, mais je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir quand même. Pierre, tu nous manques. Steven, t'es-tu écœuré, t'es-tu blasté pendant cet épisode-là? Pas vraiment. Ben, va chier. Parce que Pierre, il voulait que je t'écœure, fait que va chier. Tu me fais penser à quoi que Pierre m'a fait une demande. Faut que je réponde à la nouvelle. Le 7 juillet, Scream Factory va sortir Robo Jux de Stuart Gordon qui avait disparu. Et c'est un film de bataille de gros robots géants à la Pacific Rim. C'est une grande nouvelle que ce film-là sorte parce qu'il avait disparu. Puis c'est excitant, puis j'ai très hâte de l'acheter. Fait que checker ça, ça vaut la peine. Ben, excellent. Puis pour notre ami Michel qui nous avait suggéré Motorhead, on se laisse sur la chanson de Motorhead qui s'intitule Ace of Spades. Et sur ce, bye tout le monde et gardez ça horreur. Dirty Dancing à la télévision. Sur prise 2. Ouais. Chérie, c'est Dirty Dancing sur prise 2. Hein? Elle aussi a dit encore. Hein, time of my life. Noah. Never felt this way before. Yes, I swear. It's the truth. And I'm holding on to you. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça, là?